décès survenu hier à l'âge de 87 ans. Le convoi mortuaire sortira du 19 rue Général de Gaulle, lotissement Bengali, à la rivière du Maléo, à Brapanon, à 15h cet après-midi. La bénédiction aura lieu en l'église de la rivière du Maléo à 15h30. L'inhumation suivra au cimetière de Brapanon. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Ignace Patrick. Décès de Monsieur Ignace Patrick. Décès survenu le 20 juin à l'âge de 63 ans. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Rivière Maximin Le. Décès de Monsieur Rivière Maximin Le. Décès survenu hier à l'âge de 72 ans. Le convoi mortuaire partira ce jour à 15h30 du 276 rue Verval à la rivière Saint-Louis. La bénédiction aura lieu à 16h en église de la rivière Saint-Louis. L'inhumation se fera au cimetière du même lieu. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur François Joseph dit Tilou. Décès de Monsieur François Joseph dit Tilou. Décès survenu hier à l'âge de 71 ans. Le convoi mortuaire sortira de la salle funéraire, rue Pied des Roches, à l'étang Salé. La date et l'heure des obsèques vous seront communiquées ultérieurement. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèques et Complémentaire Santé. L'actualité locale développée dans 4 minutes sur Réunion Première. Voici les infos pratiques avec une coupure d'eau prévue pour à partir de 21h ce soir à Saint-Pierre. Donc ça concerne le secteur de Dassy. La remise en eau est prévue à partir de 5h demain matin. C'est un communiqué à présent de Sudéo qui informe ses abonnés donc de Saint-Joseph qu'il y a des travaux. Donc la distribution en eau va être perturbée. Voire interrompu donc pour aujourd'hui mercredi. Crète, premier village. Crète, deuxième village. Jacques Payette, petite Crète. Et ça concerne donc le réservoir R17. Également réservoir Petite Plaine, chemin Petite Plaine, chemin Terminus et toutes les voies adjacentes. Coupure d'eau également à Saint-Louis à partir de 10h. Et ça c'est pour aujourd'hui dans tout le secteur de Curpipe. La remise en eau est prévue à partir de 19h aujourd'hui même, sauf incident. Donc ce soir, 19h et ça concerne Saint-Louis. Coupure d'eau pour aujourd'hui mercredi de 8h à 15h, sauf incident. Donc c'est à Saint-André, ça concerne le chemin Lagourgue, partie basse, chemin Belle-Ombre, lotissement Colosse, ainsi que toutes les voies adjacentes. Coupure d'électricité à Saint-Pierre de 8h35 à 16h, aujourd'hui dans la rue Auguste Babet en partie, au port de 8h30 à 16h30, allée Paul Lafargue, allée Paul Nizan, allée Franz Neumann, Newman, rue Salvador Allende, rue Jean Jaurès, rue Victor Hugo, rue Niepce, allée Gérard de Nerval, allée José de Marti et allée Pablo Neruda. C'est au port de 8h30 à 16h dans ce secteur, vous serez privé d'électricité. Saint-Paul, 8h30-16h, pas de courant dans la rue Antoine de Bertin en partie, également dans la rue Étienne Azéma. Réunion Première, cet espace est le vôtre. Vos communiqués, vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avis@francetv.fr. Allez, je vous remets en mémoire cette information routière sur la route nationale 2 à Saint-Joseph suite à deux éboulis qui se sont produits dans les rampes de Basse-Vallée. C'est la galère, la route est totalement fermée à la circulation jusqu'à nouvel ordre. Une inspection de la falaise est prévue ce matin. Nous vous tenons informés de l'évolution de la situation. Sur Réunion Première, le journal, il arrive dans moins de 2 minutes. Bonjour à tous, nous sommes mercredi. Merci d'être là, nous sommes le 22 juin. Nous fêtons les Albans en ce mercredi. Bonne fête, messieurs. Vous avez envie d'écouter l'horoscope ? Moi aussi, j'ai très envie de savoir ce qui va se passer pour l'ensemble des signes. Bélier, vos habitudes sont si fortes que vous n'osez pas vous le dire. Taureau, vous vous retrouvez en ce milieu de semaine dans une sorte de trou d'air. Gémeaux, vous sortez le grand jeu cette semaine. Cancer, votre roman familial, c'est votre socle le plus riche. Et vous le savez. Lion, vous trouvez de nouvelles pistes favorables à votre avenir aujourd'hui. Vierge, bonne vitalité, excellent tonus. Balance, on peut dire que vous faites les choses à votre manière. Scorpion, Vous vous montrez sérieux, très rigoureux dans vos tâches quotidiennes et vous marquez sans doute des points. Sagittaire, votre vie sociale est au centre de vos préoccupations cette journée. Capricorne, en couple, tout roule à nouveau si ça n'allait pas, comme sur des roulettes. Verseau, vous entrez en cette journée plein d'espoir et d'énergie à votre domicile. Poisson termine par vous. Si vous partagez des centres d'intérêt communs avec une personne, cela pourrait changer et vite. Excellente journée à tous et à toutes. Bon début de journée à l'écoute de Réunion Première. Salut à la maison, dans votre voiture pour aller au travail. Et un premier point complet sur le trafic routier, ce sera dans 15 minutes précisément avec Yves Gruyer. Il est 6h à La Réunion. Le journal est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Fausse alerte hier à Saint-Benoît, une pièce métallique blanche a été récupérée par Simon Darry, un emploi vert du côté de la rivière des Roches. Il a immédiatement pensé à un nouveau débris de l'avion de la Malaysia Airlines. Il s'agirait plutôt d'un petit morceau arraché d'un bateau. 10 ans de prison, c'est plus que les 8 réclamés par l'avocat général. Joël Hérault a été condamné hier aux assises. Il a tué de plusieurs coups de pied Maurice Épart en 2014 à Saint-Paul. Des faits graves et une peine justifiée pour la défense. Réaction à suivre. Quand démarrera la campagne sucrière dans le nord et l'est? Réponse aujourd'hui. La commission mixte d'usine doit se réunir ce matin. Hier, des tests ont été effectués à l'usine de Bois-Rouge. On en parle dans ce journal. Et puis hier, c'était la fête de la musique. Si vous étiez dans un car jaune, vous avez sans doute assisté à des concerts. Le réseau a renouvelé son opération Musique en gare. Reportage à la fin de cette édition. Réunion Première, Florent Marot. Mais d'abord, des nouvelles de la route de Basse-Vallée à Saint-Philippe. Elle est actuellement fermée à la circulation suite à deux éboulis. La chaussée est totalement recouverte. Une entreprise doit se rendre sur place dès le lever du jour. C'est tard, notamment pour les lycéens qui passent le bac. Une prise en charge serait prévue par transport aérien. Il est peut-être allé un peu vite. Simon Darry est emploi vert. Il était chargé hier du nettoyage des berges de la rivière des Roches à Saint-Benoît. Il récupère alors une pièce métallique blanche pour lui. Pas de doute, c'est un nouveau débris de l'avion de la Malaysia Airlines, disparu en mars 2014, le MH370. Mais l'hypothèse n'est pas validée par les autorités. Elle est même déjà démentie, Bruce Réjean. Les gendarmes sont arrivés très vite sur les lieux et très vite ils ont emporté la pièce métallique blanche d'un peu plus d'un mètre sur un mètre que Simon Darry imaginait déjà comme une nouvelle et rare pièce du puzzle. Comme celle retrouvée il y a 11 mois, la pièce en question, selon son témoignage, était garnie de quelques mollusques. C'est assez pour affirmer qu'elle a passé du temps dans l'océan. C'est loin d'être suffisant pour en faire un morceau de carlingue ou de porte d'avion. Certes, les clichés pris sur place par le découvreur montrent un résidu de charnière, mais les premières analyses visuelles ont plutôt classer ces débris dans la catégorie navale, en clair plutôt un petit morceau arraché d'un bateau. L'océan en regorge. Chargé d'en référer sur tout nouvel élément au juge d'instruction parisien qui mène l'enquête sur le MH370, la gendarmerie des transports aériens est déjà formelle. Cette pièce n'a rien à voir avec cette affaire. Fermez le banc. Fausse alerte également hier dans le chef-lieu. Le centre-ville de Saint-Denis a été totalement bouclé une partie de l'après-midi. En cause, un colis suspect, une valise oubliée dans l'église de l'Assomption, juste à côté du collège Bourbon. Finalement, la valise était vide. 10 ans de prison, c'est la peine prononcée hier à l'encontre de Joël Hérault. La cour d'assises en est convaincue pour une histoire de cambriolage. Il a tué de plusieurs coups de pied Maurice Épart en 2014 à Saint-Paul. Joël Hérault, 33 ans, a été reconnu coupable de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour la défense, 10 ans de prison, la peine prononcée est à la mesure de la gravité des faits. Maître Julien Magamoutou ne pense pas que Joël Hérault fera appel. Mon client, a priori, s'attendait à une peine de la sorte. Il est satisfait parce qu'il estime que c'est en proportion à la gravité des faits qui ont été commis. Lui était là pour demander pardon, pour s'expliquer, dans la mesure où il ne se souvient pas de tout, malheureusement. Il n'a pas pu dire tout ce qui s'est passé parce qu'il ne s'en souvient pas. Là-dessus, il a été très clair depuis le début et il entend assumer la peine. Je ne pense pas qu'il souhaite faire appel, en tout cas pour le moment, même si il a toujours un délai de réflexion. On a travaillé ensemble sur ce dossier depuis 2 ans et demi et l'important, c'est sa position à lui. Lui, il a pu s'excuser, il attendait ce moment depuis longtemps. Je pense que les jurés ont tenu compte. Il encourait 15 ans de prison, il en a 10. Donc c'est une peine, en tout cas, il est prêt à l'assumer, tout simplement. Maître Julien Magamoutou, l'avocat de Joël Hérault, micro réunion première de Nadine Bachelot. Aujourd'hui, la cour d'assises s'intéresse à une affaire de violence conjugale. Le 2 août 2014, Denis Latra, 40 ans, a sauvagement agressé son ex-concubine. Il comparait pour tentative de meurtre sur conjoint. Il a reconnu les faits. Denis Latra encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Vous l'avez sans doute aperçu, si vous êtes dans l'Ouest, il y a un bateau du côté du récif de Saint-Gilles. Il appartient à un pêcheur parti chasser le calamar. Il a été surpris par une vague juste derrière la barrière de corail. Son embarcation de 6 mètres s'est littéralement retournée. Et pourtant, la mer était plutôt calme. Le pêcheur a été légèrement blessé. Il faut maintenant ramener le bateau à bon port. Et c'est la société Synergie qui doit s'en charger, un de ses membres, le capitaine Jean Sanadama. De devoir retourner le bateau et le tirer vers le large sans abîmer la coque, quoi, et sans abîmer le corail aussi. On est en train de réfléchir à la meilleure solution. On va aller faire un petit tour, voir un petit peu vraiment comment la coque est prise dans le corail. Le bateau est abîmé là ? Ouais, voilà, il y a pas mal de dégâts là. Ouais. Comment on a pu se mettre sur un récif là alors qu'il n'y a rien, il n'y a aucun obstacle finalement ? Et la mer, hein, les vagues, des séries comme ça, des moments, vous voyez, la mer elle peut être belle et une petite série où c'est un peu plus haut que d'autres, mais c'est comme ça. Avec le mouvement des houles, c'est vite parti. Hein. On est quand même à l'intérieur de la barrière de corail et il y a quand même 5 mètres à tirer quand même avant de retrouver une flottaison normale. Le capitaine Jean Sanadama de la société Synergie, interrogé par Hubert Debeu. Réunion première, 6h05, dernière ligne droite, Florent, avant le démarrage de la campagne sucrière. Et oui, le coup d'envoi sera donné le 11 juillet dans le sud et l'ouest. Pour le nord et l'est, la commission mixte d'usine doit se réunir ce matin. En attendant, et depuis quelques semaines, à l'usine de Bois-Rouge, on prépare les machines, une maintenance obligatoire. Hier, des essais cannes, des tests techniques ont démarré. Et bonne nouvelle, l'usine semble prête à fonctionner à plein régime, mais il faut aussi que les planteurs le soient. Si la pluie continue de tomber, la récolte pourrait en effet être ralentie, voire retardée. Les précisions. Le chargement, c'est beaucoup plus difficile de charger de la canne. Et aussi, les coups de sable du planteur, c'est pas comme on a un beau temps. Il y a de la pluie. Donc, il y a un coup de sable moindre. Voilà. Jean-Yves Minacci, le président de la CGPER, au micro réunion première de Delphine Poudroux. 66 saisonniers ont été embauchés pour la prochaine campagne. L'emploi, il en sera question justement avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Alice Fage, directrice des affaires sociales au Conseil supérieur des experts comptables. Au menu, la loi travail, la négociation en entreprise ou encore l'application des conventions collectives outre-mer. C'est fait, Michel Fontaine a choisi. Le sénateur maire de Saint-Pierre démissionnera demain de son poste de conseiller régional. Il était touché par le cumul des mandats. Il en a 3, comme Thierry Robert, qui doit lui aussi faire un choix. Le député maire de Saint-Leu ne s'est pas encore exprimé à ce sujet. 1 400 000 euros, c'est ce qui va être investi dans les hauts de Petite-Île. Une somme qui va servir à créer un réseau d'évacuation des eaux pluviales à Piton des Goyaves, refaire la voirie, rendre plus accessibles les arrêts de bus et réaliser des trottoirs dans tout le quartier qui se situe le long de la route départementale 3. Des trottoirs à Piton des Goyaves, comme on dit, ce ne sera pas du luxe. Les explications de Sophie Persson. Des trottoirs dans le quartier de Piton des Goyaves, ça n'a rien d'anecdotique. Le quartier est en effet traversé par la route départementale 3 et 3000 véhicules passent par là chaque jour. Mais outre les voitures qui passent, le quartier bouge, 2500 personnes y habitent et les piétons sont nombreux car il y a l'école, la crèche, un stade, des commerces, des médecins. Bref, sa vie et la cohabitation voiture-piéton est plutôt dangereuse. On pourra donc bientôt marcher tranquillement dans Piton des Goyaves d'ici à la fin de l'année. L'autre bonne nouvelle, c'est le rétablissement en août de la ligne de bus entre Saint-Joseph et le Tampon. Supprimée lors de la réorganisation du réseau Car Jaune, elle manquait à la population qui a besoin de l'emprunter pour aller à Saint-Joseph, notamment pour les démarches administratives, ou pour aller au Tampon faire des courses sans repasser par les bas. Dans le reste de l'actualité, SOS Médecins fête cette semaine ses 50 ans. L'association compte 1100 praticiens dans toute la France. 3 antennes existent à La Réunion, Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-Paul. Santé, toujours, les premiers tests sur l'homme d'un vaccin contre le Zika devraient rapidement être lancés. Une information de la chaîne CNN, la société américaine Inovio annonce avoir réalisé des tests concluants chez les animaux. Hier, c'était la fête de la musique. Et si vous étiez passager d'un bus car jaune et que vous êtes passé par l'une des gares routières de l'île, eh bien, vous avez sans doute assisté à des concerts. Le réseau de transport interurbain de La Réunion a en effet renouvelé son opération Musique en gare. C'était de 13h30 à 19h. Une initiative qui a particulièrement plu aux passagers en attente. Mélodie Nourry s'est rendue à la gare routière de Saint-Denis. Ampli, micro et autres tables de mixage, le temps d'un après-midi, le hall de la gare routière de Saint-Denis s'est transformé en véritable scène ouverte. Sega, zouk, dancehall, reggae, il n'y en avait pas pour tous les goûts, mais presque. Alexandre Charlette est accompagnateur médiateur dans le réseau Car Jeune. Cette initiative a été faite pour mettre un esprit d'ambiance, pour la fête de la musique. Quel groupe vous avez décidé de mettre en avant ? Les groupes de La Réunion. Intitulé Musique en gare, l'opération en est à sa deuxième édition, mais en 2015, pour la première du genre, les concerts avaient été dispatchés sur toute l'année. Cette fois, ça s'est passé dans les quatre gares en simultané et pour l'occasion, près de 20 groupes ont été sélectionnés sur toute l'île après un appel à candidature lancé en mai. Bamako est chanteur au sein de Way, un groupe de rap et de dancehall. C'est à renouveler parce que pour le public, ça fait de l'animation et pour nous, on se fait connaître. Du côté des voyageurs spectateurs, l'étonnement a très vite fait place à la satisfaction. On trouve l'agréable. Il écoute Bana chanter, franchement, rien à dire. D'habitude, c'est un peu comme si c'est un point un peu mort, quoi. Et là, ça fait plaisir, c'est sympa. Oui, ça fait plaisir parce que comme ça, les clients, ils assisent, ils écoutent un peu de musique. Ça rend l'attente moins longue. Le réseau Car Jeune estime qu'entre 10 et 12 000 passagers ont pu assister tout au long de l'après-midi à ces concerts gratuits. Et avant de terminer, je vous rappelle cette information. La route de Basse-Vallée à Saint-Philippe est actuellement fermée à la circulation suite à deux éboulis. La chaussée est totalement recouverte. Une entreprise doit se rendre sur place dès le lever du jour. Une prise en charge serait même prévue par transport aérien pour les lycéens qui passent le bac. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on parle ce matin, Camille Labrousse, des négociations avant la manif contre la loi travail. Après 24 heures de négociations, on ne sait toujours pas à quoi va ressembler la manifestation de demain à Paris. Son sort reste entre les mains de la préfecture de police qui n'a toujours pas donné sa réponse aux syndicats. Ils refusent toujours un rassemblement statique. Pour trouver un compromis, ils ont donc proposé deux itinéraires alternatifs, moins propices selon eux aux dégradations. Pas de grève ce week-end à Air France. Les syndicats de pilotes ont levé leur préavis. Ils ont été reçus par le futur PDG Jean-Marc Janaillac et ils ont obtenu de sa part le gel de certaines mesures salariales très critiquées par les pilotes en échange d'une trêve sociale jusqu'au mois de novembre. Le point d'orgue de la campagne pour le Brexit au Royaume-Uni, c'était le dernier débat télé hier soir. Boris Johnson, ancien maire de Londres, fervent défenseur d'une sortie de l'Union européenne face à l'actuel maire de la capitale, Sadiq Khan, pour tenter de convaincre les 10% d'indécis. Ils sont en tout cas 46,5 millions d'électeurs potentiels, un record a calculé la commission électorale. Ils sont 2 millions à avoir rejoint les listes depuis le mois de décembre. L'homme placé en garde à vue hier matin a finalement été relâché dans l'enquête sur l'assassinat du couple de policiers dans les Yvelines. Il a été interpellé avec deux autres personnes soupçonnées d'avoir effectué des repérages sur des policiers du secteur, mais leur audition n'a rien donné. Le réseau autour du tueur, Larossi Abala, continue d'être passé au crible. Le deuxième jour du procès de Fabienne Cabou aux assises de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, pour la première fois, cette femme infanticide a parlé de sa fille, Adélaïde, qu'elle a abandonnée à 15 mois sur une plage de Berck-sur-Mer à marée montante. Ma fille m'a rendue vivante, mais quelque chose s'est réalisé à mon insu quand je l'ai déposée sur la plage. L'enseigne de sport Décathlon porte plainte après la diffusion d'images prises dans des cabines d'essayage. Des clients ont été filmés à leur insu en train d'essayer des maillots de bain et les vidéos diffusées sur un site pornographique. C'est le site BuzzFeed qui le révèle. L'Euro de football est un premier choc pour les huitièmes de finale. L'Espagne affrontera l'Italie. Les Espagnols qui ne terminent que deuxième du groupe D, ils se sont fait surprendre 2-1 par la Croatie qui, elle, prend la tête de son groupe. La Turquie élimine la République tchèque et doit attendre pour savoir si elle continue ou non la compétition. Et puis plus tôt, il y avait les matchs du groupe C. Par ricochet, l'Irlande du Nord est qualifiée pour la suite malgré sa défaite 1-0 contre l'Allemagne qui termine première de son groupe devant la Pologne qui élimine l'Ukraine 1-0. Maro. Des records de chaleur dans le sud-ouest des États-Unis. Des centaines de personnes ont été évacuées, notamment en Californie, à cause d'impressionnants incendies. Une vingtaine de brasiers brûlent en ce moment même. Et au moins 4 randonneurs ont trouvé la mort en Arizona, surpris par la vague de chaleur. France Info. L'info revient à 6h30. Allez, 6h15 sur Réunion Première. Bonjour pour tout ça qui arrive à l'instant. Mais ainsi, pour s'atteler sans nous depuis grand matin, Coudier pour le temps, Zordi. C'est une belle journée, hein. Dès le lever du jour, on aura droit à un beau soleil, un temps sur l'ensemble de la Réunion plutôt agréable. Cirque, volcan, plaine, au soleil. Pour aujourd'hui, un petit bémol, on va compter quelques petits nuages dans l'est du département pour ce matin, mais rien de vraiment significatif. Au fil des heures, des nuages de pente qui vont se développer. C'est un peu comme tous les jours, hein. Eh bien oui, en cours d'après-midi, on aura également un droit à un peu de pluie dans l'est, avec le retour des nuages et de petites averses. Le vent, il souffle à une vitesse de 50 km/h, des rafales un peu moins fortes qu'hier. À Saint-Denis, ça souffle également à Saint-Pierre. Et en général, la mer est peu agitée. Toutefois, on observe à certains endroits, donc où il y a du vent, donc des vagues de 2 mètres, prudence en bord de mer. Jackie réveille la Réunion. Deux petits canards dans l'eau, il veut dire c'est le 22, mercredi 22 juin. On va saluer Alban, Alban et Albanie, c'est votre fête. Aujourd'hui, la fête des légumes, c'est tous les jours sur Réunion Première. On ira avec Prisca au marché forain du Chaudron. Et grand rendez-vous ce matin, 7h15. Philippe Dornier reçoit Alice Fage, directrice des affaires sociales au Conseil supérieur des experts comptables. Au menu, la loi travail et les négociations en entreprise. Puis à 8h15, Claude Montané nous parlera de cette belle aventure humaine des personnes à mobilité réduite qui vont prochainement découvrir la Réunion. Non pas en voiture, ni en bus, mais en joëlette. Donc ce sera à 8h15, puis les expertes de la CAF répondra à toutes vos questions 99-2000. On a fait le tour des grands rendez-vous sur Réunion Première. Là, ce qui nous intéresse, c'est la route. On va tout de suite rejoindre Yves Gruyer pour un premier point sur le trafic. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Yves Gruyer qui est en direct depuis la Ravine des Chèvres. Bonjour Yves. Bonjour Jackie, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Vous attendez bien sûr, tout le monde attend ces nouvelles, notamment du côté de Saint-Philippe, les parents inquiets, les marmailles qui se pressent alors que ce sont les dernières épreuves du bac pour pouvoir passer. Alors ça sera peut-être possible. Les dernières nouvelles, hein, donc deux éboulements se sont produits. Le deuxième est moins important mais plus encombrant. Voilà ce qu'il faut retenir. En fait, c'est pas tombé de très haut. 20 mètres cubes hier soir à 20h et ça a été dégagé donc assez rapidement parce que justement c'est tombé de pas très très haut. Les voies étaient dégagées. Et puis ensuite, plus tard, vers 23h, donc là, c'est des gros blocs qui sont tombés. Alors là, c'est un peu moins important, c'est à peu près une dizaine de mètres cubes, mais ce sont des blocs rocheux, donc qu'il faut bouger. Alors là, la DDE avait fermé totalement parce qu'on ne voyait absolument rien. Là aussi, c'est pas tombé de très haut. Alors là, l'attente pour le moment, c'est le lever du jour, donc c'est la première des choses. Une entreprise qui en plus travaille sur cette zone, puisqu'il y a des travaux de purge en cours en ce moment, vous savez, les purges et des végétalisations, pour préparer justement la protection de cette falaise des rampes de basse vallée. Donc les engins sont prêts à intervenir, mais on attend quand même le lever du jour, voir s'il n'y a pas de risque. Dès que on a cette certitude, les engins se mettront en place, on enlève les blocs et la circulation pourra reprendre. Sachant que les épreuves du bac, c'est à 10h normalement, donc avec le décalage horaire, donc ça devrait pouvoir le faire. On espère bien sûr, et tout va dépendre donc de l'état de tout cela, et puis si l'inspection est plutôt correcte. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc pour le moment, c'est le lever du jour, rien ne se passera avant qu'il fasse suffisamment clair pour visualiser tout le tout. La circulation correcte ici, pour le moment, au niveau de la Ravine des Chèvres, déjà assez dense. Il y a parfois des petites zones ralenties, vous n'êtes pas à 110 km/h. Et puis l'entrée est dégagée, l'entrée ouest aussi, le ralentissement en sortie de tranchée couverte en haut du viaduc, ça c'est pour l'ouest. Attention, c'est compliqué comme hier au niveau de la bretelle qui rejoint Cambay, la sortie de Sans Souci également après les travaux de cette nuit. Faudra être patient. À tout à l'heure, bonne route. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Bon, ça t'y bouge pas, ça t'y reste la même, nous tiens à t'informer. Yves Gruyer sera avec nous encore dans 10 minutes pour nous tenir informés de l'évolution de la situation donc suite à ces éboulis dans les rampes de Basse-Vallée. Donc la route est totalement fermée à la circulation pour l'instant. Voilà. Alors on va se détendre un petit peu, on va jouer avec vous, hein, en attendant. Nous parlions d'une variété de songes ce matin sur le marché forain du Chaudron. Alors trois possibilités de réponse. Le songe de mes nuits, Le songe pâté ou le songe dont la rosée ne prend pas dessus? Nous parlions de quelle variété de songe ce matin à 3 euros le kilo. Le songe de mes nuits, le songe pâté ou le songe dont la rosée ne prend pas dessus? Vous avez la bonne réponse, vous composez le 99-2000 maintenant et vous repartez avec un bon cadeau d'une valeur de 20 euros. À tout de suite. Première 10h midi. Vous êtes chez vous. Lionel Olivier. Vous aurez en tout cas tout à loisir de passer vos petites annonces à partir de 10h40. Nous allons la cour. Bonjour, comment ça va? 10h midi. Radio Novella, le cinéma, les bons plans, Song Story, la matinée ensemble. C'est encore mieux en première. Avec la première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première. À 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Il est 6h20 et vous écoutez Réunion Première. Merci d'être là avec nous. Jean de Sainte-Marie, bonjour Jean. Oui, bonjour. Ça va Jean? Ça va. Oui Jean, est-ce que ça fait la route ce matin ou... Ben là, ma machine déjà fait la route. Là. D'accord, quel côté vous la roulez, Dianoua et Koula? Là, on a fait littoral, il roule bien. D'accord, on a entendu un peu la galère ce matin dans le sud, la Basse-Vallée, ouais, c'est sérieux. On a entendu un peu, ben oui. Alors, donc vous est en train d'écouter à nous donner l'auto? Ben là, oui, là, ma fin arrive au boulot, là, tranquille. D'accord, super. Alors mon cher Jean, ce matin, Prisca se trouve au marché forain du Chaudron. Est-ce qu'elle nous parlait du songe de mes nuits? Non. Est-ce qu'elle nous parlait du songe dont la rosée ne prend pas dessus? Ah, ça m'y pense pas. Ça, c'est une chanson, ça. Fait ben songe. Oui, ça, c'est une chanson, ça. Voilà. Très connue, même. Alors, c'est quel songe elle nous parlait, alors? Mais crois-je que songe pâté. Songe pâté, au final, ça? Ben, il réveille la curiosité quand même, le Zafir. Ah, ou pas, lou. Hey, Jean, un songe pâté. Jean. Bon, ça, non hein. Bon, ben, Nina, ça va c'est fourré un chaudron, en tout cas. Hein. Avec un petit peu de sucre dedans, bien arrosé. Arrêtez. On met de l'eau dans la bouche de moune, grand matin, comment? D'allons, un ballon. Ouh la langue est maillée un peu grand matin, hein. Il ne faut pas que ça arrive. Alors, vous gagnez un bon d'une valeur de 20 euros offert par les magasins Espace Fraîcheur et Réunion Première. Ah ben c'est gentil, merci. Je ne connais pas si nous rassons ce pâté dans les paniers, mais en tout cas, et ben, profite bien. Ben maintenant, ça est trouvé. Bien, bon courage pour le travail. Ben merci bien, merci à Réunion Première et toute l'équipe. Et ben merci à vous deux de fidélité, n'y a trop plus devant. Allez, à bientôt Jean. Et sur Réunion Première, nous va remercier également toutes les personnes qui l'a appelé. Malheureusement, on n'a pas gagné la ligne. Jean l'était le premier. Il faudra réessayer demain matin pour ce bon cadeau d'une valeur de 20 euros. Mais il y a aussi un panier garni à gagner tous les jours avec Prisca. On vous donnera le mot de passe tout à l'heure. Jalousie, ça part tout dans le chemin, et ça mal parle à moi. Jalousie, qu'on n'égaye pas fait qu'on. Pour faire critique à moi, Maloki. Il écrit mon nom dans le chemin, il essayera baisse à moi. Moi, m'y prie. Bon Dieu, m'y mette de ton main, n'a un jour, il appelle demain. Il lève le dans la poche brossée, il est déjà en train de calculer. Comment empêcher ou avancer? Le mal, il domine ses pensées, ses cœurs, a fini contaminé avec virus la méchanceté. Dans le cœur n'a rien que le mal, dans la tête la paix normale. Et je veux pas récolter le mal. Ma méchante l'amour, la paix, la joie, respect, l'unité. La musique, sac à dos, bon Dieu. Jalousie, ça part tout dans le chemin. Dis ça mal, parle à moi. Jalousie, qu'on n'y gagne pas fait comme moi. Dis pour faire critique à moi. Maloki, écris mon nom dans le chemin. Il essayera baisse à moi. Moi m'y prie. Bon Dieu m'y met dans ton main. Ma un jour y appelle demain. quartier, les gars nous fait voir avancer. Grand bras nous fait représenter. Un bel alcool, ça mal caché. Les filles, ils gagnent, puis contrôlent. Dessine les gars, ils rock déconner. Moi, mes gars, toujours devant. Ils préfèrent faire la musique. Ça y rend la vie plus jolie. Tu sais qu'elle est d'accord avec moi. Allons ensemble mettre la main. Ces gars malos, y'en a emmène loin. Jalousie. Ils savent partout dans le chemin. Parle à moi. Jalousie. Qu'on n'y gagne pas fait comme moi. Il peut faire la critique à moi. Malouki. Il écrit mon nom dans le chemin. Il essaie rabaisse à moi. Manipri. Bon Dieu, m'y mette dans ton main. N'a un jour, y'a peur demain. Jalousie. Mamo sur Réunion Première avec Jalousie. Les services de la direction régionale des routes vont faire de leur mieux pour rendre à nouveau praticable une portion de route donc sur la route nationale 2 suite à cette éboulie. Ces éboulis qui se sont produits dans les rampes de Basse-Vallée. La route est totalement fermée à la circulation jusqu'à nouvel ordre. Yves Gruyer sera avec nous juste après un petit détour par le Chaudron au marché forain. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et ce rendez-vous immanquable de votre matinale, c'est avec Prisca au Chaudron. Et on va continuer à vous mettre l'eau à la bouche hein, ce matin, les amis, puisque c'est l'heure du petit-déj. J'ai rencontré Nizar. Nizar, il se trouve au fond du marché forain du Chaudron, parce que vous savez que c'est un grand marché, hein, le marché forain du Chaudron le mercredi. Il se trouve juste en face de l'église, pour vous situer. Et Nizar, il a ramené ici trois bouteilles de gaz. Pourquoi donc? Parce qu'il propose des galettes de manioc sans matière grasse. Il propose également, Jackie, des gâteaux sans gluten, sans alcool. Et d'ailleurs, nous avons... sans œufs. Et sans œufs, il faut le rappeler. Il est en train de servir Olivier, c'est ça? Olivier, bonjour. Comment il est, grand matin? Ça va très bien. Il est en direct sur Réunion Première, là. Oui. Alors, cette galette, elle est excellente. Oui, elle est très bonne, la galette. Ben, tout le temps, il prend avec lui parce que mes agriculteurs et tous les mercredis, ils sont au marché. Ça, c'est le petit goûter? Oui, ça, c'est le petit goûter. Vous l'avez pris au quoi, ou la galette? Au miel. Le meilleur pour la gorge. Ah, vous ne dites pas? C'est excellent. Merci, Olivier. Qu'est-ce qu'on vend, nous, sur le marché? Ben, moi, je vends choux-fleurs, salades et les pas chers, ces jolis légumes. Les et vous êtes dans quel secteur, là, du marché? Je suis juste en face de lui, là. Ah, donc vous êtes juste en face de Nizar, au niveau de l'église. Hein, voilà, au niveau de l'église, voilà. Bon, les prix sont corrects aujourd'hui, mercredi? Oui, les prix sont corrects. Et si c'est élevé, ben, on n'hésite pas à faire des promos. Ah, et ça, c'est sympa. Combien ça coûte un chou? Ben, ça démarre 2 euros, 1,50 euros. Et puis, on peut vendre à 1 euro. Allez, merci Olivier. Allez, bon courage et bonne dégustation. Donc, je me rapproche de Nizar. Hein. Nizar, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour. Bonjour toute l'équipe. Voilà, c'est en plein de préparation des galettes. Je vois ça. On entend Jackie? Ben, on entend. Ah, vous entendez le bruit de la crêpière? On peut appeler ça une crêpière? Non. On va dire c'est des faits maison. Oui, parce qu'en fait, comment on l'a fait ça? Ben, c'est à force de réfléchir. Customiser une crêpière, et vous avez, en fait, il y a trois crêpières, hein, pour vous donner un petit peu cette idée, en fait. Et puis, dessus, il y a des plaques en fonte. Des plaques en fonte, et sur chaque plaque, on peut faire jusqu'à quatre galettes. Quatre galettes. Les plaques, elles sont pas rondes, hein. Elles sont carrées. Voilà, c'est des plaques sur mesure, on va dire. Bon, Jackie, vous voulez quoi? Une galette de manioc au miel Mettez un peu de miel dessus pour la voile. Chocolat nature. Voilà, que des bonnes choses. Bon, lui, il veut un petit peu de sucre, lui. Rien qu'un petit peu de sucre dessus. Pas de sucre. Bon, vous serez là aussi dimanche, hein, c'est ça? Dimanche, de 5h du matin jusqu'à midi. Allez, à déguster, on va dire sans modération, parce que vraiment, hein, moi, j'ai goûté. C'est excellent, Jackie. Galette de manioc. On parle de choses sérieuses, puisque vous savez que tout à l'heure, toute l'équipe de Réunion Première vous propose de repartir avec des fruits et des légumes pays grâce aux forains et aux foraines du marché forain du Chaudron. Donc, nous avons parlé ce matin de ce fameux songe pâté, cette variété de songe que Céline va mettre hein, dans le panier garni, comme ça vous allez pouvoir goûter. Et le mot de passe pour récupérer votre panier tout à l'heure entre 10h et 10h30, c'est songe pâté. Alors retenez bien ce mot de passe et si vous êtes dans les environs, si vous êtes dans le secteur du Chaudron tout à l'heure, venez nous rejoindre et le panier garni sera pour vous. Avec Réunion Première, merci Prisca. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. L'information routière, Yves Gruyé à Saint-André. Il borde à 4 voies, plutôt roulante, chargée, mais roulante jusqu'à allez, la montée de Bel Air, puisque la montée de Bel Air est encore également plutôt fluide. Trafic soutenu, et ça coince et ça congestionne à partir de l'échangeur nord de Sainte-Suzanne. Donc là, il y a presque parfois des arrêts de circulation pour passer cette bretelle qui arrive du centre-ville. Soyez patients, plateau de Chassagne, et puis après, bah, de nouveau, une circulation relativement correcte jusqu'à Saint-Denis. L'entrée ouest dégagée, le fin de Lancastel également, si vous allez vers le Barachois. Et puis, par contre, c'est à l'entrée de la tranchée couverte que démarrent les bouchons côté ouest jusqu'à Cambay, une bretelle encombrée, je le rappelle, donc pour rejoindre Cambay notamment. Les rampes de Basse-Vallée toujours en attente de ce lever du jour qui commence à poindre, donc on va commencer à visualiser ce qui se passe sur la falaise pour entamer les travaux de dégagement. Ce sont des gros blocs qui bloquent la circulation pour le moment. Ils pourraient être dégagés rapidement, je le rappelle. On attend des nouvelles, bien sûr, au fur et à mesure de cette début de matinée. À tout à l'heure. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Merci d'être à l'écoute de Réunion Première. Et puis beaucoup de courage dans le sud ce matin, dans le secteur de Basse-Vallée. Yves Gruyé sera avec nous à nouveau dans 12 minutes. Il est 6h30 à La Réunion. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Jackie, bonjour à tous. La mairie en alerte à Saint-Philippe pour trouver une solution pour déblayer la route de Basse-Vallée bloquée par un éboulis depuis hier soir. Les engins se mettront en action dès le lever du jour. L'urgence, c'est pour les candidats au bac qui se retrouvent coincés. Impossible de rejoindre le centre d'épreuve pour l'instant. Un bateau échoué sur le corail à Saint-Gilles. Toute la journée d'hier, les secours ont tenté de trouver des solutions pour sortir le bateau de ce mauvais pas sans abîmer les coraux. Journée de test hier à l'usine sucrière de Bois-Rouge à Saint-André. On devrait connaître la date du début de la campagne pour l'Est et le Nord aujourd'hui. Et puis Dimitri Payet, fier de la défense de l'équipe de France. Nous l'entendrons à la fin de ce journal. Réunion Première, Cécile Thomas. Yves Gruyé vous en parle ce matin. Un éboulis coupe la route de Basse-Vallée à Saint-Philippe. Impossible de circuler dans le secteur, même si des dispositions ont été prises pour qu'une entreprise intervienne rapidement pour déblayer le passage. C'est prévu dès le lever du jour vers 7h. Problème, des jeunes qui passent le bac se retrouvent coincés. La mairie cherche une solution pour transporter ces candidats au bac. Ils pourraient être pris en charge par des hélicoptères. Restez avec nous, Olivier Rivière, le maire de Saint-Philippe, sera en direct dans notre édition de 7h. Il devrait pouvoir à ce moment communiquer sur la marche à suivre. Sur la côte ouest, c'est un sauvetage de bateau qui a mobilisé les secours hier lundi soir. Un petit bateau de pêche s'est échoué sur la barrière de corail suite à une panne de moteur. Le pêcheur avait été secouru rapidement, mais l'embarcation était restée sur place. Depuis hier matin, les spécialistes ont cherché à remettre le bateau à l'endroit et à le sortir de là. Hubert Debeux s'est rendu sur place. Un bateau de 6 mètres retourné sur le récif devant le cimetière de Saint-Gilles. C'est ce qu'ont découvert des pêcheurs et les spécialistes de la société Synergie. Lundi soir, vers 19h30, le pêcheur professionnel a été surpris par deux vagues successives. Il taquinait le calamar près de la barrière de corail. Le bateau a été drossé sur le récif et s'est littéralement retourné. Jean Sanadama est capitaine chez Synergie. Avec le mouvement des houles, c'est vite parti. Hein. On se retrouve pris sur le corail avec la poussée d'Archimède, tout ça. Le bateau devient plus léger. On a vite fait de le rouler comme ça. Objectif recherché par les spécialistes, le tirer vers le large et le ramener à bon port. On est en train de réfléchir à la meilleure solution. On va aller faire un petit tour, voir un petit peu vraiment comment la coque est prise dans le corail. Les gardes de la réserve marine se sont également rendus sur les lieux. Leur travail est bien précis. Sully Blancard. Nous, on est là pour contrôler, pour voir s'il n'y a pas eu trop de dégâts au niveau des coraux. C'est sûr qu'il y a eu des dégâts, mais on est là juste pour contrôler, pour vérifier. Il n'y a pas de sanction, de prévu, rien. C'est un accident, donc la personne, il est pour rien. Il n'a pas volontairement jeté son bateau sur la barrière. Légèrement blessé aux mains, le pêcheur, expérimenté, était encore traumatisé plus de 12 heures après le drame. Hubert Debeux, les débris retrouvés hier sur le littoral de Brapanon n'appartiennent pas au vol MH370 de la Malaysia Airlines. Les autorités sont formelles. Il pourrait plutôt s'agir d'un morceau de bateau. La découverte avait été faite tôt hier matin sur les galets de la plage panonaise. Simon Dary, un emploi vert, avait trouvé une grande pièce métallique et prévenu les gendarmes. Et puis hier, une valise oubliée dans l'église de l'Assomption a semé le trouble alors que beaucoup de monde était attendu en centre-ville de Saint-Denis pour la fête de la musique. Une alerte au colis suspect a été lancée. Le danger potentiel a été neutralisé au bout d'une heure par les spécialistes du déminage. La valise était vide. aux assises. 10 ans de prison à l'encontre de Joël Hérault. C'est le verdict prononcé hier soir alors que l'avocat général avait requis une peine de 8 ans. Joël Hérault a été reconnu coupable de violences volontaires qui ont entraîné la mort de Maurice Épars. La partie civile a salué ce verdict même si elle n'a pas eu de réponse à toutes ces questions. Le frère aîné de la victime, Bernard Épars. C'est pas le pardon qu'on veut, c'est la vérité. Même il a pas craché le morceau, mais du moins comme il a eu ses 10 ans, donc pourra faire notre deuil. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ces 2 jours de débat? Très difficile, très fatigué moralement. Je pensais aussi à notre maman, qu'elle est pas bien depuis il y a 2 ans. Elle est pas bien, une pensée pour elle à Saint-Leu là-bas. Vous étiez proche de votre frère? Oui, même on voyait pas souvent, mais du moins ben, on était là. Ça fait tout drôle, il est plus là. D'ailleurs j'arrive pas à dire le mot de défunt, je crie toujours Maurice. Jusqu'à présent on réalise pas. Bernard Épars, le frère aîné de la victime, interrogé par Nadine Bachelot. Et puis nos confrères de la presse écrite le rapportent ce matin. L'homme qui a agressé sa femme à coups de hachette lundi a été hospitalisé et plongé dans un coma artificiel. Il a fait un malaise dans sa cellule lors de sa garde à vue. Journée d'essai hier à l'usine sucrière de Bois-Rouge. La campagne doit bientôt commencer. La date devrait être fixée ce matin pour les planteurs de l'Est et du Nord. Les planteurs du Sud, eux, savent déjà que l'usine du Gol recevra leur canne dès le 11 juillet prochain. Avant de lancer les usines pour 6 mois à plein régime non-stop, on teste donc l'outil. Delphine Poudroux, c'était à l'usine de Bois-Rouge à Saint-André hier. À l'usine de Bois-Rouge, quand on entend le shredder, on sait que la campagne sucrière va commencer. Et s'il y a des cannes à sucre dans le broyeur, elles sont juste là pour un essai. Car avant le démarrage de la campagne, toute la mécanique doit être testée. Thierry Cousson est directeur de l'usine sucrière de Bois-Rouge. On va dire que c'est l'échauffement avant de commencer la course, quoi. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, donc on va prendre les cannes, on va les broyer, on va extraire du jus. Donc ce jus va être concentré en sirop et stocké en attente. Et la canne, elle va être transformée en bagasse et envoyée à la centrale thermique qui va la passer dans ses chaudières. Mais pour l'instant, excepté quelques fuites, l'usine est prête à fonctionner à plein régime. Certains équipements font d'ailleurs l'objet d'un contrôle tout particulier. Johan Pakiri assiste le responsable de la maintenance. Le shredder, le presse-tracteur, la diffusion, les moulins, c'est des équipements qui doivent vraiment bien fonctionner. Et après, il ne faut pas oublier notamment l'atelier des sucres spéciaux, là où on fait les sucres gros et sucres blancs. Il faut vraiment que tout fonctionne et les équipes sont là pour faire en sorte que ça fonctionne très bien. Depuis juin, ils sont environ 80 personnes à assurer la maintenance des machines de l'usine de Bois-Rouge. Une usine vieille de 200 ans et dont finalement, seuls les murs ont été conservés. Un reportage de Delphine Poudroux. On devrait donc savoir dans la journée quand commencera le balai des cachalots et des tracteurs entre les champs, les balances de cannes et l'usine de Bois-Rouge. Un geste fort pour les piétons du petit village de Piton des Goyaves à Petite-Île. D'ici 6 mois, ils pourront se déplacer sur des trottoirs le long de la route départementale 3. La route qui traverse le village fait pour l'instant la part belle aux voitures. Ces trottoirs donneront un accès plus sûr à l'école, à la crèche, au stade, au commerce. Les travaux ont commencé début juin. Ils sont financés par le conseil départemental. Et c'est Jean-Marie Virapoulet qui est en charge des routes au département. Il avait fait le déplacement hier matin pour l'inauguration des travaux. Le département a financé concrètement tout le réseau de trottoirs de plus de 1,4 km, d'un montant total de 1,4 million d'euros, la participation du département étant élevée aux 2/3, c'est-à-dire 950 000 euros. 2/3 pour le département, pour le financement, 1/3 pour la commune. Nous sommes à Pitongue des Goyaves. Dans les hauts de la petite île, nous sommes dans une zone rurale, mais une zone urbanisée. Il y a du monde qui vit, il y a une population, il y a 3000 véhicules jour qui passent sur cette route départementale. On se devait de sécuriser la voie piétonne, d'en créer une. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé ces travaux qui nous paraissent importants. Jean-Marie Virapoulet, interrogé par Sophie Persson. Et une autre bonne nouvelle pour les habitants de Piton des Goyaves, la ligne de car jaune entre Saint-Joseph et Le Tampon qui passait par chez eux sera rétablie en août prochain pour la rentrée. Elle avait été supprimée il y a environ 1 an. La fête de la musique avec des animations un peu partout en ville, jusque dans les gares de car jaune. Des concerts en attendant sa correspondance, c'est l'opération Musique en gare avec cette année un spécial fête de la musique. Hier, depuis mai, car jaune a lancé un appel aux groupes sur sa page Facebook. Au final, une vingtaine de groupes locaux et pour la plupart amateurs a été sélectionné pour jouer en live dans les gares de Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre et Saint-Benoît. Fred avait encore une demi-heure d'attente avant que son bus n'arrive. Hier, il a donc profité du spectacle gratuit. C'est une très bonne chose, mais il ne faut pas seulement attendre la fête de la musique. C'est-à-dire Essayer d'au moins faire 4 rendez-vous ponctuels dans l'année pour ce genre d'événement. Pourquoi ? Il y a un besoin, je pense que dans les gares, aujourd'hui, on est soumis à plein de choses assez sous-jacentes. Je n'entrerai pas dans les détails. Et je pense qu'on a besoin de détendre un peu l'atmosphère dans les gares. Et puis ça permet de rendre peut-être l'attente moins longue ? Oui, tout à fait, tout à fait. Ça rend l'attente moins longue. Ça change des téléphones à fond dans le bus. Et voilà quoi. Donc il y a encore quelque chose à revoir au niveau des cars jaunes, mais l'initiative est très bonne. Fred, un usager du réseau car jaune, répondait à Mélodie Nourry. Du sport avec l'Euro de football, c'est dimanche que l'équipe de France disputera son 8e de finale. On ne connaît toujours pas son adversaire pour l'instant. Les Bleus qui pourront compter sur Dimitri Payet en grande forme durant ce premier tour. Le Réunionnais estime que la vraie satisfaction côté français, c'est l'organisation défensive de l'équipe qui n'a pour l'instant encaissé qu'un seul but. Dimitri Payet. Je pense qu'on a pris conscience qu'il fallait faire un peu plus défensivement après le match du Cameroun. On l'a vu face à l'Écosse. Et ensuite, voilà, contre la Roumanie, l'Albanie et la Suisse, je pense qu'on a été peu de fois mis vraiment en danger par ces équipes-là. Donc, ça montre qu'on a une bonne défense. Et quand je dis bonne défense, je ne parle pas forcément des 4-2 derrière. C'est un tout, c'est à part de l'attaquant. Donc, voilà, on a passé un cap dans ce registre de jeu-là. On retrouvera Dimitri Payet sur le terrain dimanche à 17h pour le prochain match des Bleus. L'info revient à 7h. C'est l'heure de la chronique éco préparée par Sébastien Letard. 44 millions d'euros, c'est le coût de l'épidémie de chikungunya à La Réunion en 2006, selon une étude de l'INSERM. Une somme qui justifie l'importance des campagnes de prévention sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique et financier. Aux Antilles-Guyane, alors que l'épidémie de Zika est encore en cours, ses conséquences financières se chiffrent d'ores et déjà à plusieurs millions d'euros, Sébastien. L'épidémie de chikungunya a été un fardeau économique pour la Réunion. C'est la conclusion de l'INSERM qui se base sur ce coût de 44 millions d'euros pour juger de l'efficacité et des bénéfices des dispositifs de prévention et de contrôle sanitaire. Yazdan Pana est professeur spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat à Paris. Dans les coûts directs, c'est surtout les coûts médicaux, coûts de consultation, coût d'hospitalisation, coût de rééducation, coût des transports. Ce coût médical direct est ainsi estimé à 26,5 millions d'euros, dont un peu moins de la moitié pour les consultations chez le médecin, avant les frais d'hospitalisation et le coût des médicaments. Après, il y a les coûts indirects. C'est le coût de perte de productivité pour la personne. En gros, il est malade, il ne va pas travailler. Quand c'est de courte durée, en général, on dit que c'est moins important parce que les autres nous remplacent. Mais quand c'est de longue durée, c'est un vrai problème. Et selon l'INSERM, l'épidémie de chikungunya, qui a touché 40% des Réunionnais, a eu un impact presque aussi important sur l'activité économique que son coût purement médical, 17,4 millions d'euros de perte de productivité dans les entreprises et les administrations. L'épidémie de Zika, elle, n'est pas encore terminée aux Antilles, mais selon le professeur Yazdan Pana, si son coût sera sans doute moins élevé, il sera, quoi qu'il en soit, important pour la société, en l'occurrence pour la sécurité sociale. Il y a moins de patients hospitalisés, mais par contre, les patients qui sont hospitalisés, il y a plus de formes graves. Quand ils sont hospitalisés, les Guillain-Barré sont beaucoup plus graves. Mais après, le coût global devient important s'il y a beaucoup de patients hospitalisés. Or, c'est pas quand même très fréquent pour le moment. Après, il y a aussi les microcéphalies. Là encore, il y a eu très peu de cas. Hein. Mais les microcéphalies, le coût, c'est phénoménal, quoi. Restent les conséquences financières indirectes de ces épidémies, notamment sur l'attractivité touristique. Elles se font déjà sérieusement ressentir à la Martinique. D'après l'INSEE, en 2006, ce sont 460 emplois qui ont été détruits à La Réunion suite à l'épidémie de chikungunya, essentiellement dans l'hôtellerie. Le gouvernement avait alors accordé plus de 7 millions d'euros d'aides supplémentaires aux entreprises de l'île. Sébastien Letard pour la chronique économique sur Réunion Première. Les prévisions météo avant de prendre des nouvelles du trafic avec Yves Gruyé qui nous attend. Une belle journée en perspective dès le lever du jour. C'est du beau temps sur l'ensemble de la Réunion, cirque, volcan, Python, zéro en panne, ajoutons ensemble aussi, hein, la plaine oscille au soleil. Encore du vent jusqu'à 50 km/h pour les rafales. Sur Saint-Pierre, également à Saint-Denis, quelques brises sur les plages de l'Ouest. Et la mer est peu agitée. Toutefois, on note quand même des vagues de 2 mètres. Là où il y a beaucoup de vent, prudence donc en bord de mer. Tout de suite, les inforoutes. Vos trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. À Saint-François, mais dans l'Est, Yves. Oui, bien sûr, Saint-François dans l'Est, avec un trafic correct au niveau de du rond-point des Plaines, le carrefour de Bracanotte. Ça se passe pas trop mal à cette heure-ci, sur cette voie de contournement du centre-ville de Saint-Benoît. Avec chaussée sèche, enfin en tout cas en voie d'assèchement, hein, parce que c'est encore humide, suite aux peut-être dernières pluies d'hier soir. La météo est plutôt claire ici, c'est vrai, mais des nuages en regardant vers le sud sauvage là-bas, hein, donc il y a encore des nuages, des entrées maritimes. La circulation se fait correctement ici. L'est, ben c'est toujours à hauteur de l'échangeur nord, hein, donc un petit peu sur la partie haute de la montée de Bel Air, quelques ralentissements jusqu'à Ramine des Chèvres. Après ça se refluidifie quand même pour rentrer sur Saint-Denis sans trop de problèmes. L'entrée ouest, petit rond-point hauteur juste après la caserne Lambert, donc ça se passe bien encore à l'entrée du chef-lieu, avec un pont Vinsan et une traversée de boulevard sud sans problème, sous les tranchées notamment, et pas de changement dans l'ouest, hein. Les ralentissements se font toujours à l'entrée de la tranchée couverte. Je rappelle donc les rampes de Basse-Vallée toujours fermées à la circulation pour le moment. Commence à faire jour, on commence donc à regarder ce qu'on peut faire, donc l'entreprise prête et sur place pour dégager ces blocs de circulation au plus vite et libérer bien entendu tous ces habitants entre Saint-Philippe et Saint-Joseph, et notamment donc les marmailles et les étudiants qui sont en épreuve de bac, dernière épreuve aujourd'hui, donc c'est important, des épreuves justement très importantes qui commencent tout à l'heure vers 10h, donc ça devrait pouvoir le faire, on l'espère, en tout cas on croise les doigts très fort pour bonne route avec la première prudence. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Première. Allô, première. Élevé à La Réunion, c'est nourri. Il y a des jeunes qui se font insister parce qu'ils n'ont pas envie de bouger, il faut le dire. Moi, j'ai 33 ans, je n'ai pas de bon choix. Et nos politiques sont encore ancrées au 20e siècle, elles ne sont pas ancrées au 21e siècle. Du lundi au vendredi, le débat. Allô, première. Claude Montané. 8h, 9h. Sur Réunion Première. 8h, 9h sur Réunion Première. Le défi, alors, c'est à parcourir en une semaine 240 km en relais en portant des personnes. Une aventure humaine unique. On en parle aujourd'hui dès 8h15 sur la Première. Il fait plaisir à voir à vous préparer un bon carry, mon chéri. Oui, un carry, il faut préparer un lit. Vous connaissez une retraite aussi. On a bientôt 62 ans. Il faut regrouper de papier dès maintenant. Les pas automatiques? Non, il faut déposer le dossier retraite complet 6 mois avant la date prévue. Au moins, on sera sûr d'être payé dans les temps. Un conseiller retraite CGSS, il peut aider à vous. Futur retraité, pour bénéficier de votre retraite dans les temps, contactez le 3960 et déposez votre dossier complet 6 mois avant votre départ. Service 0,06 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel local. Vous écoutez Réunion Première, il est 6h47, on s'intéresse à la presse écrite avec Cécile Thomas. Et en une du quotidien ce matin, Jackie, les pertes colossales de la SPL Énergie Réunion, un trou de 2,6 millions, titre le journal, en photo des éoliennes, des panneaux photovoltaïques et Alain Guézello, le PDG de l'entreprise. Autre titre, meurtre de deux policiers, le tueur des Yvelines lié à Fabien Klein, s'interroge le journal. Saint-Denis, 6 ans de prison pour avoir ébouillanté son père. Fête de la musique, des notes pleines les rues, Ligue de football, les mises au point de Noël Vidotte et puis l'Euro 2016, l'Allemagne, la force tranquille. Un certain Dimitri Payet en une journal de Lille. Oui, vous voyez qui c'est. Clip, parodie, chanson, la Payet mania déferle sur YouTube, écrit le Gire. Vous en avez eu un petit aperçu dans nos journaux hier. Fête de la musique à Saint-Denis, plus de son, moins de monde. Et puis l'Euro de foot, l'Allemagne vire en tête, la Pologne qualifiée. Et ce soir, vivez le match Belgique-Suède sur Réunion Première. En direct à 23h. Dans la presse nationale, un poisson heureux en une d'aujourd'hui en France. Oui, c'est la fameuse Dory, la copine de Nemo, plongée dans le monde de Dory, écrit le journal. Succès assuré pour Dory, l'ami amnésique du petit poisson Nemo qui part à la recherche de ses parents. Cette suite du film culte du studio Pixar a tout pour plaire. Et franchement, ce sourire et ce regard en une, Jackie, on ne peut qu'être séduit par cette Dory. Autre titre, la taxe soda est de retour. Un rapport parlementaire propose d'augmenter les taxes des boissons sucrées pour financer une baisse de celle des produits alimentaires de grande consommation. Et puis Euro 2016, Dimitri Payet, le nouveau chouchou des Français. Le Brexit en une du Figaro. L'Europe face au risque de contagion, titre le journal. À la veille du référendum au Royaume-Uni, les Européens redoutent un effet domino sur le continent et menacent d'alourdir la facture pour les Britanniques s'ils quittent l'Union Européenne. Autre titre, les départements asphyxiés par l'explosion du coût du RSA et puis manifestation anti-loi travail. Face à la CGT, l'exécutif hésite toujours. La Syrie en une du journal Le Monde. comment les ciments Lafarge ont travaillé avec l'État islamique. Le numéro 1 mondial du ciment a indirectement financé l'organisation État islamique pendant plus d'un an en Syrie pour assurer sa production. Le cimentier a payé au prix fort le passage de ses camions aux checkpoints djihadistes et leur a versé des taxes sur le pétrole et les matières premières. Autre titre, loi travail, les syndicats maintiennent la manifestation. Et puis en photo, en une également, trois masques japonais qui ressemblent beaucoup à Jacques Chirac. Vous avez dû les voir. Jacques Chirac et la curiosité universelle, titre Le Monde. Une exposition au musée du Quai Branly rend hommage à l'héritage culturel laissé par l'ancien président de la République. La France n'est jamais plus grande que quand elle s'ouvre aux autres, a expliqué Bernadette Chirac à l'occasion du vernissage. Mais effectivement, je l'ai bien vu, on l'a bien vu. Une permanence, Cécile, du Parti Socialiste saccagée en une de Libération. Locaux vandalisés, militants injuriés alors que la gauche se déchire, la colère à l'égard du parti se mue en violence, le PS paie les fractures, titre Libé. Galles, pays de gauche et de Brexit, et puis Benoît Groulx, mort d'une émancipatrice. La Croatie qui rit, l'Espagne qui pleure, en une de L'Équipe. La Croatie enfume l'Espagne grâce à un pénalty repoussé et un but marqué à la 87e minute. Les Croates ont créé une énorme surprise en triomphant de l'Espagne 2-1 hier. La Roja... J'ai pas retravaillé mon accent espagnol. Double tenante du titre devra affronter l'Italie dès les huitièmes de finale. Et puis l'Europe juge les Bleus, la presse et les experts étrangers attendent plus de l'équipe de France, nous dit L'Équipe ce matin. Il faut dire quand même que ça s'écrit la Roja. Roja. Roja. La Roja. Roja. La Roja. Voilà. Et ce soir, donc, Belgique-Suède sur Réunion Première en direct à 23h. Oui. La figure sera creusée demain matin. Merci Cécile Thomas, reviens à 8h. À 8h, Jackie. À tout à l'heure. On va passer à la course cheval à Mitterfist. Voici l'arrivée de la course d'hier. Dans l'ordre, pour gagner, il fallait miser sur le 8, le 14, le 7, le 11 et le 2. 8, 14, 7, 11 et 2. Le numéro plus, c'est le 10, 0, 2. C'est l'Hippodrome de Reims qui accueille la 7e étape du Grand National du Trot Paris Turf aujourd'hui. Cet après-midi, donc, c'est un attelé avec 16 partants. Il y aura 2575 mètres à parcourir sur cette piste cendrée et le départ est prévu à 15h47. Montant de la tirelire, 2 400 000 euros. Voici les favoris de Pascal Maillot. Alors, son grand favori pour aujourd'hui, le 4. Son coup de cœur, le 6. Et le 11 qui peut faire la surprise. Le 4, le 6 et le 11. La suite de son pronostic, l'As, le 8, le 3, le 7, le 2. Et en cas de non partant, il n'y en a pas pour l'instant, misez sur le 5. Donc pour Pascal Maillot, 4, 6, 11. As, 8, 3, 7, 2. En cas de non partant, misez sur le 5. Voici maintenant les pronostics du fouineur du GIR. Le 6, le 4, le 8, l'As, le 3, le 2, le 11 et le 10. 6, 4, 8, As, 3, 2, 11 et 10. Nous ferons un rappel de ces pronostics ce matin à 9h58, l'arrivée de la course dans le 15-18 cet après-midi, juste après le journal de 16h. Pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Réunion Première. Écoutez ça, ça s'est passé ce matin sur Réunion Première. Ah, les pagaillons, tous les matins, je suis là, je suis en train de déployer ce Saint-Benoît. Et ben, la piste est allée, une surprise ce matin, donc j'ai obligé de passer en pleine dépalmite. Ah oui, là, au moins une vingtaine de coincés, il y a tant de vent, on a un peu là, mais on dirait la dormie là, il y a ça. C'est complètement fermé là. Ah non, ben, je suis pas en retard. Bon courage, Dominique. Dominique, là, appelle à nous au 02 62 99 2000 ce matin, très tôt, avant 5h30. Donc, je vous rappelle cette info sur la route nationale 2 à Saint-Joseph, suite à deux éboulis qui se sont produits dans les rampes de Basse-Vallée. La route est totalement fermée à la circulation jusqu'à nouvel ordre. Une inspection de la falaise est prévue ce matin. Le soleil est en train de se lever. Et sachez qu'il y aura le maire de Saint-Philippe dans le journal de 7h, Olivier Rivière, le maire de Saint-Philippe, donc pour nous donner un peu la marche à suivre. On va se détendre un peu. Voilà, on va passer par les airs peut-être aujourd'hui. Radio Novella, cette belle aventure, eh bien, qui s'arrête vendredi hein, déjà pour cette saison. L'aventure de Gougout, Carpaï, Mamadou et Rakoto. Voilà, qu'elle a été enlevée par des extraterrestres. Vont-ils revenir sur la Terre? Radio Novella sur Réunion Première et c'est maintenant. Précédemment dans votre Radio Novella. Hé, hey, Rakoto, allez mousser, passe ma côte. Qu'on sortira à Ralson dans comment? Mais pardon, c'est sorti tout seul. La peau. C'est dans cette belle ambiance que se déroula le déjeuner chez la belle-mère du sergent Loulou. Repus des bons saucisses frites, bread chouchou avec rougaille, tomate, coton midi, notre bande de Dallons est maintenant sur le départ. Pressé de retrouver la planète Terre et surtout les 45 millions d'euros cachés à Saint-François. Vous êtes sûr que vous voulez pas reprendre encore un peu de tiramisu? Eh non, merci madame. Ah, nous a bien mangé, nous là, et encore merci pour tes, comment? Ou tes, l'hospitalisation, hein? Pardon, mon grand? Je crois qu'il veut plutôt dire hospitalité. C'est une histoire et l'hôpital même. Ben oui. Ben oui. T'es capable. Arrête fouille de ton dent, comment passe les chiens. Ben quoi, moi les filles à se prendre ce soir, arrête de prendre mon ancien. Ben alors quoi, viens tirer si t'es pas content. Qu'est bien, avec ton vieil gueule d'en gâté là. Crévé. Tiens, voilà un cure-dent, mon grand. Parce que là, vu comment tu fouilles dans ta bouche, tu pourrais avaler ton bras. Et puis tenez, je vous ai emballé quelques saucisses de Big Manchu avec deux paquets de bread chouchou. Ça vous ferait un petit souvenir. Ah ben, il fallait pas, madame, mais merci encore, hein. Rentrez bien, soyez prudents sur la route et vous revenez quand vous voulez. La porte de la maison sera toujours ouverte. Au revoir, madame. Au revoir, madame le monstre. Au revoir, madame. Allez. À tout à l'heure, belle maman. Moi, il sera de retour pour le dîner. D'accord, mon loulou. Et sois prudent sur la route, hein. Bon, ben, c'est Jean Loulou. Allons. Ah non, c'est pas ce vaisseau-là que nous apprend. Ah bon? Pourquoi on est notre vaisseau? Ben oui, les deux y a la cour. Suivez-moi. Et voilà, c'est dans ce vaisseau que nous ça ramène à cette dessus la terre. Quoi? Vieux vaisseau-là? Eh ben, c'est Jean-Loulou. Allons prendre l'autre, non? Comme dit Carapaï, cette lalimpe est vieille. Et c'est pas pour vous faire peur, mais ce vaisseau ressemble étrangement à mon corbillard mélangé avec le 404 bâché de M. Krishna. Et c'est vrai, ça ressemble beaucoup, hein? Mais avec des ailes sur le côté. Parce que les ailes, comme ça, on peut voler. Tracasse pas vous, messieurs les humains, tracasse pas. Comme nous dit ce Big Menton, c'est dans le vieux vaisseau qui fait de bon trajet. Oui, mais l'allée peut-être un peu trop vieille, non? Ou les chiens, ils nous arrivent d'ici la terre avec ça? Ton maman, la figure, le vaisseau fait dans le même cœur. Pas besoin de la peur, c'est vrai que c'est une vieille machine. Mais avec ça, nous arrive deux fois plus vite, si c'est pas trois fois ou quatre fois plus vite sur la terre. Grâce à son moteur super puissant. Ah ouais? Et sans ça? Turbo diesel, l'embrayage est un peu dur, mais quand il est lancé, virale la cinquième et vite glisse dessus la 4 voies lactée. 4 voies lactées. Bon ben allons. Je vous en prie, installez-vous. Bon les gars, mais passe devant. Commence pas vite, vaut mieux bien rouvre la vite. C'est notre chiron encore. Tout le monde y attache sa ceinture. Et c'est parti pour le décollage. Qu'est-ce que ça fait? Pas de piqué? Bah, mais comprends pas. Moi la change la batterie, il y en a juste 2 mois. Bon, il pète pas. Comment il fait en? Ben là, seule solution, il faut choquer. Vous savez, jusqu'à vaisseau spatial, faut choquer comme là. Les gars, arrête de décoller, donc, j'entends ça, choquer. Bon, ben les gars, ben on pousse alors. Plus vite va décoller, plus vite nous sera arrivé. Hé, Loulou, les bons. Les bons, les parés. Allez, là, de sa main. Allez, gars, poussez. Poussez. Les bons, Loulou. Là, de seconde. Là, guettez, pas de seconde, natez. Allez, monte à vous. Elle est bonne, la pétille. T'es, qu'est-ce que lui dit à la télé? N'est-ce pas la taille, non? Mais on dirait que c'est Carpaï. T'es, quoi, moi? Si. T'es, Carpaï, jette sous les gars dehors, hein? À cause de cette patte au moment. Tu la peau. Ben voyons, Radio Novella sur Réunion Première tous les jours avant le journal de 7h, rediffusion à 10h20 et tous les dimanches, donc les épisodes de la semaine entre 8h et 9h et en podcast sur le site internet de Réunion Première. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. L'information routière depuis Sainte-Anne, Yves Gruyer. Avec des travaux à Sainte-Anne, réalisation d'un giratoire, assez peu de gêne sur cette phase de travaux en ce moment. On s'occupe de la partie côté mer, alors qu'on l'entend bien donc ici. La circulation peut se faire avec de la fin. Il y aura des modifications et des changements, bien sûr, au courant du mois de juillet qui va arriver pendant les vacances scolaires. Donc il y a plusieurs zones de travaux sur cette région est, puisqu'il y a des travaux pour le pont des Orangers en ce moment, la rame des Orangers, que cet ouvrage qui est en chantier jusqu'à l'année prochaine, même oui, fin d'année, voire même début 2018, en ce qui concerne le trafic. Côté route, ça se passe pas trop mal ici, sur cette partie est de l'île, avec le lever de soleil, enfin visible. La circulation qui se fait avec des ralentissements à Sainte-Anne, pardon, à Sainte-Suzanne. Oui, à Sainte-Suzanne, donc sur la partie haute, notamment de la montée de Bel Air. Et puis l'entrée est encore dégagée. L'entrée ouest sous le tunnel du Cap Bernard, ça roule sur le boulevard sud. Ralentissement également sous la tranchée couverte en haut du viaduc de Saint-Paul. Trafic modéré hein, sur la route Digg en ce moment. Je rappelle la grosse information. Pour le moment, les rampes de Basse-Vallée toujours fermées à la circulation. Les travaux envisagés rapidement pour dégager les blocs qui sont tombés hier soir. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Vous écoutez Réunion Première, il est 7h, c'est l'heure du journal de la rédaction, bienvenue. Le journal est présenté par Florent Marot, bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. C'est la galère ce matin sur la route de Basse-Vallée à Saint-Philippe. Elle est actuellement fermée à la circulation suite à deux éboulis. La chaussée est totalement recouverte. Une prise en charge aérienne serait prévue pour les lycéens qui passent le bac. Plus d'infos en direct dans ce journal avec Olivier Rivière, le maire de Saint-Philippe. 10 ans de prison, c'est la peine prononcée hier à l'encontre de Joël Hérault. Il a tué Maurice Épart en 2014 à Saint-Paul. La cour d'assises en est convaincue. Joël Hérault ne devrait pas faire appel. Fausse alerte, hier dans le centre-ville de Saint-Denis, un colis suspect a été repéré dans l'église de l'Assomption. Plusieurs rues ont été bouclées. Finalement, la valise était vide. Dernière ligne droite avant le démarrage de la campagne sucrière. Ce sera le 11 juillet dans le sud et l'ouest. On saura aujourd'hui pour le nord et l'est. En attendant, des tests techniques ont démarré hier à l'usine de Bois-Rouge. Reportage à suivre. Et puis hier, c'était la fête de la musique. Si vous étiez dans un car jaune, vous avez sans doute assisté à des concerts. Le réseau a renouvelé son opération Musique en gare. On en parle à la fin de cette édition. Réunion Première, Florent Marot. Direction donc Basse-Vallée à Saint-Philippe. La RN2 est actuellement fermée à la circulation dans le secteur suite à deux éboulis. La chaussée est totalement recouverte. De gros blocs se sont détachés vers 23h hier soir. On parle d'une dizaine de mètres cubes. Une entreprise est sur place, mais elle devait attendre le lever du jour pour intervenir. Question de sécurité. Alors ce matin, on se pose la question également, comment vont faire les lycéens qui passent le bac? Une solution peut-être avec Olivier Rivière, le maire de Saint-Philippe. Il est avec nous en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment évolue la situation? Écoutez, la situation est celle que vous avez expliquée à l'instant. Effectivement, il y a eu un pan entier de falaise qui est tombé sur la chaussée, la RN2 qui nous relie à la ville de Saint-Joseph, bloquant totalement la circulation. Et vous avez également évoqué la situation des élèves qui doivent passer leur examen. Et donc, nous avons choisi de mettre en place des convois aériens. Donc, je demande aux élèves concernés de bien vouloir se rendre sur le site du Cap Méchant, où est prévu ces convois entre 7h et 8h30, de manière à ce qu'ils puissent être acheminés sur le centre d'examen et passer en toute quiétude leurs examens. Donc des convois seront prévus et seront organisés, bien sûr, pour les lycéens. Est-ce que les travaux ont démarré du côté Absolument. De Basse-Vallée? Vous avez effectivement les entreprises qui sont sur place, la direction régionale des routes qui était également sur place, d'ailleurs depuis cette nuit, et qui fait le nécessaire très rapidement pour que la circulation soit rétablie. Alors on a un délai? Non, absolument pas. Et c'est effectivement à ce niveau-là qu'il y a une incertitude aujourd'hui, mais je pense que dans la matinée, les choses seront rétablies. Ceci étant, il a été en tout cas nécessaire de notre côté de mettre en place ces convois aériens de manière à ce que les élèves ne soient pas en tout cas dans cette incertitude-là et puissent se rendre, comme je l'ai dit, dans leur centre d'examen. Nous avons fait le nécessaire également auprès du rectorat, donc tous les centres d'examen seront prévenus de la situation. Merci Olivier Rivière. Je rappelle que vous êtes le maire de Saint-Philippe et c'est l'information du jour hein, dans ce journal de 7 heures. Des transports aériens seront organisés pour les lycéens de Saint-Philippe. Ceux qui doivent en tout cas passer le bac, il faut aller sur le site du Cap Méchant entre 7h et 8h30 pour aller passer le bac. Les épreuves qui démarrent à 10h. 10 ans de prison, c'est plus que les 8 réclamés par l'avocat général. Joël Hérault a été condamné hier aux assises. La cour en est convaincue pour une sombre histoire de cambriolage. Il a tué de plusieurs coups de pied Maurice Épars en 2014 à Saint-Paul. Joël Hérault, 33 ans, a été reconnu coupable de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour la famille de Maurice Épars, c'est le soulagement. 10 ans de prison, c'est en effet une peine qui correspond à la gravité des faits, selon maître Laurent Payen, l'avocat des filles de la victime. Les réquisitions de l'avocat général me semblent un petit peu légères en quantum de peine. La cour a révisé à la hausse ses réquisitions pour prononcer une peine de 10 ans d'emprisonnement qui, au regard du maximum encouru, apparaît tout à fait correspondre à l'état de ce dossier. Du côté des parties civiles, les familles sont assez satisfaites. Malheureusement, on n'a pas pu obtenir la vérité réelle de ce qui a pu se passer ce soir-là dans le huis clos du logement de Maurice Épars. Mais la justice est rendue et c'est la vérité judiciaire aujourd'hui qui va primer. Mais aujourd'hui, ils attendaient qu'une décision soit rendu et qu'il puisse enfin passer à autre chose et faire le deuil de la mort de ce père pour mes clientes. Maître Laurent Payen, avocat de la partie civile au micro Réunion Première de Nadine Bachelot. Aujourd'hui, la cour d'assises s'intéresse à une affaire de violence conjugale. Le 2 août 2014, Denis Latra, 40 ans, a sauvagement agressé son ex-concubine. Il comparaît aujourd'hui pour tentative de meurtre sur conjoint. Il a reconnu les faits. Denis Latra encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le Gramoun de 74 ans qui a tenté de tuer son ex-femme lundi à Saint-Denis est actuellement hospitalisé. Selon la presse écrite de ce matin, il a fait un malaise durant sa garde à vue et il est désormais plongé dans un coma artificiel. Le centre-ville de Saint-Denis en alerte. Hier, il a été totalement bouclé une partie de l'après-midi. En cause, un colis suspect, une valise oubliée dans l'église de l'Assomption, juste à côté du collège Bourbon. Finalement, fausse alerte, la valise était vide. Les précisions du commandant Charles-Albert Chassagne du commissariat Malartic. Nos services sont intervenus et nous avons respecté le protocole en cas de découverte de valises donc appris, qui sont a priori considérées comme suspectes. Et donc avec une mise en place d'un périmètre et appel au service de démineurs. Nous avons contacté le prêtre de la paroisse pour savoir depuis quand elle pouvait être sur place et pour savoir si éventuellement ça pouvait appartenir à quelqu'un qui avait demandé et sollicité que ce soit laissé là. Donc comme ce n'était pas le cas, on a continué l'intervention et le respect du protocole. Le commandant Charles-Albert Chassagne du commissariat Malartic. Fausse alerte également à Saint-Benoît, à l'embouchure de la rivière des Roches. Un employé chargé du nettoyage des berges a récupéré une pièce métallique blanche. Il a immédiatement pensé à un nouveau débris de l'avion de la Malaysia Airlines disparu en mars 2014, le MH370. Non, a répondu hier la gendarmerie des transports aériens. Il s'agirait plutôt d'un petit morceau arraché d'un bateau. Et puisque l'on parle de bateau, il y en a un actuellement du côté du récif de Saint-Gilles. Il appartient à un pêcheur parti chasser le calamar. Il a été surpris par une vague juste derrière la barrière de corail. Son embarcation de 6 mètres s'est littéralement retournée et pourtant la mer était plutôt calme. Le pêcheur a été légèrement blessé. Il faut maintenant ramener le bateau à bon port. Réunion Première, 7h07. On saura aujourd'hui, Florent, quand commencera la campagne sucrière dans le Nord et l'Est. Eh oui, la commission mixte d'usine doit se réunir ce matin. On sait déjà que le coup d'envoi de la campagne sera donné le 11 juillet dans le Sud et l'Ouest. En attendant, et depuis quelques semaines maintenant, à l'usine de Bois-Rouge, on prépare les machines, une maintenance indispensable. Hier, des essais cannes, des tests techniques en fait, ont démarré. Et bonne nouvelle, l'usine semble prête à fonctionner à plein régime et c'est de bon augure. Pour Jean-Yves Minacci, le président de la CGPER, la campagne s'annonce en effet meilleure que l'an passé. Je pense qu'au niveau du tonnage, nous aurons un gain de productivité, entre 10 et 15% par rapport à la campagne précédente. On va facilement arriver le 900 90 000 tonnes de canne sur la Bois-Rouge, voire même, voilà. Pourquoi? Parce qu'on a eu une bonne pilométrie par rapport aux autres années. C'est une continuité, hein, c'est depuis 2014, c'est comme ça. Si ça continue, je pense que pour l'avenir, ça sera aussi bien. Jean-Yves Minacci, président de la CGPER au micro Réunion Première de Delphine Poudroux. Et cette année, 70 saisonniers ont été embauchés pour la campagne. L'emploi, il en sera question justement avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit juste après ce journal Alice Fage, directrice des affaires sociales au Conseil supérieur des experts comptables. Au menu, la loi travail, la négociation en entreprise, l'application des conventions collectives outre-mer ou encore le temps de travail. C'est fait, Michel Fontaine a choisi, le sénateur maire de Saint-Pierre démissionnera demain de son poste de conseiller régional. Il était touché par le cumul des mandats, tout comme Thierry Robert qui doit lui aussi faire un choix. Le député maire de Saint-Leu ne s'est pas encore exprimé à ce sujet. Une ligne de bus car jaune, une de plus, va faire son retour, cette fois, entre Saint-Joseph et le Tampon, en passant par Piton des Goyaves. Elle avait été supprimée lors de la réorganisation du réseau. Problème depuis plus d'un an maintenant. Circuler en bus était devenu compliqué pour les habitants de Piton des Goyaves. Ils devaient prendre plusieurs bus pour descendre à Saint-Joseph et ne pouvaient plus aller directement au Tampon. Le retour à la normale est prévu le 17 août, jour de la rentrée. Sophie Persson. Le maire de Petite-Île le savait bien, la suppression de la ligne de bus entre Saint-Joseph et le Tampon était mal perçue par la population de Piton des Goyaves. Il en avait même fait un argument de campagne, Serge Hoirot. C'était un de mes engagements lors de la campagne des départementales pour Petite-Île, le rétablissement de la ligne car jaune qui fait la jonction entre Saint-Joseph et le Tampon en passant par le centre-ville, Ravine du Pont et Piton des Goyaves. Cette ligne était très très demandée par la population. Saint-Joseph pour la CAF ou d'autres administrations. Le Tampon plutôt pour les courses. Le bus rendait de nombreux services à la population. Cette habitante de Piton des Goyaves se réjouit de la réouverture de la ligne de bus. Quand on a besoin de passer une radio, la plupart du temps, on ne peut pas parce que si on n'a pas un enfant, les enfants qui travaillent, qui ne peuvent pas venir à nous, on n'a pas rien. On est obligé de remettre, et au bout du compte, ben, on a du temps. On n'a pas de transport pour aller sur ce Tampon du tout. Mais nous reprenions les finances de ce nous avons notre petite course, nous remettions dans le corps, nous revenions à notre case bonheur. C'est quelque chose que nous avons besoin dans les hauts. 2500 personnes vivent à Piton des Goyaves. Et cette annonce a été faite lors de l'inauguration des travaux autour de Piton des Goyaves. 1 400 000 euros pour des trottoirs dans le village et l'évacuation des eaux pluviales. Dans le reste de l'actualité, SOS Médecins fête cette semaine ses 50 ans. L'association compte 1100 praticiens dans toute la France. 3 antennes existent à La Réunion, Saint-Denis, Saint-Pierre et Saint-Paul. Dans les salles d'attente, beaucoup de monde en période de grippe ou de gastro et des patients qui peuvent avoir à l'occasion la dent dure contre les services du urgence. Sylvie, une de ses habituées. Pas pour moi, mais pour mon fils qui a fait pendant très longtemps de l'asthme, qui était beaucoup plus jeune. Et donc souvent, à n'importe quelle heure de la nuit, j'étais ici chez SOS Médecins. Et je trouve que je suis bien reçue. Ils s'occupent bien des patients. Et je trouve que c'est un palliatif avec les urgences qui sont surchargées. Je trouve qu'ils s'occupent pas bien des gens, qu'on est mal reçus. Pas plus tard que ce week-end, je suis partie aux urgences pour mon fils qui a eu un accident. On a attendu 3h, 4h. Ils lui ont même pas fait de radio. Là, aujourd'hui, je suis là chez SOS Médecins parce que l'infirmière est venue chez moi hier soir et peut-être que sa main est cassée. Là, je suis là pour ça. Le fait de pas savoir sur quel médecin vous allez tomber... C'est pas important parce que je trouve qu'ils sont tous bien. Sylvie, interrogée par Bruce Régent. Santé, toujours, les premiers tests sur l'homme d'un vaccin contre le Zika devraient rapidement être lancés. Une information de la chaîne CNN, la société américaine Inovio annonce avoir réalisé des tests concluants chez les animaux. La fête de la musique, c'était un peu partout hier dans l'île. C'était même dans les gares routières. Si vous avez voyagé en car jaune, vous avez en effet dû assister à des concerts. Le réseau a renouvelé son opération Musique en gare. C'était la 2e édition. Une 20aine de groupes locaux et pour la plupart amateurs ont été sélectionnés pour jouer à Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre et Saint-Benoît. Pascal, un usager du réseau car jaune, a apprécié l'initiative. Je trouve ça plutôt sympa. On vient d'arriver, on vient de découvrir ce petit son. Ben, écoute, ça peut faire tourner les petits groupes locaux, c'est sympa. Et en tant que passager, ça permet de quoi d'être... Ben oui, ça change, ça donne un petit peu d'ambiance aussi en même temps. Au lieu d'attendre sur le bus, voilà, on a un petit spectacle à regarder en passant, quoi, c'est sympa. Et vous pensez que ça mériterait d'être renouvelé? Ah ben oui, c'est clair. Ah ben oui, bien, surtout pour les petits gars qui tournent, ça leur donne une scène en plus, quoi, on va dire. Quoi. Voilà, donc ouais, c'est plutôt sympa pour tout le monde, on va dire. Ça détend l'atmosphère? Eh ouais, carrément. Pascal, usager du réseau Car Jaune au micro Réunion Première de Mélodie Nourri. Et avant de terminer, je vous rappelle l'information principale de ce journal. Les travaux ont démarré à Basse-Vallée du côté de Saint-Philippe. Il y a eu 2 éboulis cette nuit. La chaussée est totalement recouverte et il faut, pour les lycéens en tout cas qui passent le bac, aller du côté du Cap Méchant. Des transferts aériens sont prévus. C'est la fin de ce journal. Juste après l'invité de la matinée, Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Alice Fage, directrice des affaires sociales au Conseil supérieur des experts comptables. C'était le journal de 7h. L'info revient à 7h30. Merci d'être à l'écoute de Réunion Première. 7h13, à 7h30, les informations nationales et internationales avec France Info. Avant tout cela, eh bien, l'invité de la matinale, également les prévisions météo et des nouvelles du trafic avec Yves Cruyff. À tout de suite. Première. Il fait plaisir, voir à vous préparer un bon carré, mon chéri. Oui, un carré, il faut préparer un lit. Vous connaissez une retraite aussi. On a bientôt 62 ans. Il faut regrouper de papier dès maintenant. Les pas automatiques? Non, il faut vous déposer votre dossier retraite complet 6 mois avant la date prévue. Au moins, on sera sûr d'être payé dans les temps. Un conseiller retraite CGSS, il peut aider à vous. Futur retraité, pour bénéficier de votre retraite dans les temps, contactez le 3960. Et déposez votre dossier complet 6 mois avant votre départ. Service 0,06 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel local. Poussez les portes du conservatoire à rayonnement régional. Elles vous seront ouvertes du 20 au 25 juin à Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. Vous y découvrirez les nouveautés de la rentrée, la danse africaine et afro-cubaine dès 11 ans, et redécouvrirez les danses traditionnelles de la Réunion, maloya, séga, quadrille. Toutes les informations sur ces portes ouvertes et les préinscriptions sur le www.conservatoire.regionreunion.com. Nutracini rayonne au conservatoire. Première. Les informations routières avec Yves Grouillet tout de suite. Votre trajet en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Et vous vous êtes garé au niveau du pont suspendu de la rivière de l'Est, Yves. Oui, toujours donc dans l'Est avec cette route mouillée. Donc oui, c'est encore humide hein, ici dans l'Est. Et comme je vous le disais, il y a des nuages en regardant sur la partie du Grand Brûlé. Voilà, alors que le soleil est bien présent ailleurs, notamment sur toute la façade Est. Trafic donc sans trop de difficultés ici. On va vous donner des nouvelles des rampes de Basse-Vallée. Donc des cornices sont en train de monter donc au sommet de falaise puisqu'il a été repéré des blocs qu'il faut impérativement faire tomber. Donc voilà pourquoi ça va être un peu aléatoire pour l'heure de réouverture. Si on avait eu que les blocs qui étaient tombés à faire dégager, ça aurait été fait donc rapidement. Mais là, donc ces blocs sont à faire tomber de façon manuelle par ces cordistes qui sont en train de grimper, le temps de faire l'arrivée au sommet et puis de faire tomber ces blocs en espérant que ça se fasse également rapidement et ensuite les travaux de dégagement. Donc c'est pour ça que ça va être un peu aléatoire. Pour le moment, ça reste fermé. Et pour en tout cas au moins ce début de matinée, donc entre Saint-Philippe et Saint-Joseph, la route est coupée au PR 100-350, je rappelle exactement. Donc pour ce point d'impact et cet éboulement qui s'est produit en deux fois hier soir. Le trafic ici sans trop de problèmes pour cette partie est avec ces travaux comme je vous le disais à la fois au niveau du pont des Orangers mais également au niveau du giratoire de Sainte-Anne. Mais là il n'y a pas de contraintes et pas d'alternat encore à cette heure-ci. En tout cas la déviation de Saint-Benoît ça se passe plutôt correctement. Des ralentissements qui se rapprochent de la ravine des Chèvres et le début de la voie contournement de Sainte-Marie au moins jusqu'au plateau de la Mare. Après c'est encore roulant. Entrée ouest ça à l'entrée du tunnel comme à l'entrée de la tranchée couverte de Saint-Paul. Donc là assez peu de changements finalement pour c'est début de matinée. Voilà, très bonne route et beaucoup de patience, bien entendu, pour ceux qui ont choisi de faire tout le tour. Il y a 110 km hein, donc pour arriver à Saint-Pierre en quittant Basse-Vallée. Hein. Donc c'est quand même un peu long au lieu de faire 20 km pour arriver à Saint-Pierre. Bon courage, bonne route, à tout à l'heure. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Je rappelle cette information routière. Suite à cet éboulis dans les rampes de Basse-Vallée, une prise en charge pour les lycéens qui passent le bac est organisée par la mairie. Des convois sont organisés entre 7h et 8h30. Vous devez vous rendre sur le site du Cap Méchant. Bon courage pour toute bonne maman, il passe le bac 10h ce matin. Un coup de yeux sur le temps pour aujourd'hui. Une belle journée en perspective dès le lever du jour. Et bien sûr, c'est du beau temps hein, sur l'ensemble de la Réunion. Siac, Volcan et Plaine sont au soleil. Quelques nuages toutefois dans l'Est. Mais ça va aller, pas très significatif. On a du vent, 50 km/h, principalement à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Il est 7h17. L'invité de la matinale sur Réunion Première. Philippe Dornier, bonjour. Bonjour Jacqui, bonjour à tous. Directrice des affaires sociales au Conseil supérieur des experts comptables, Alice Fage répond à vos questions ce matin, Philippe. Alice Fage, bonjour. Bonjour. Vous venez à la Réunion à l'invitation de l'Ordre régional des experts comptables avec comme objectif de décrypter la loi travail pour les petites et les moyennes entreprises. Quel intérêt puisque cette loi elle n'est pas encore votée définitivement? Eh bien, en fait, dès qu'une loi est publiée, les experts comptables sont en première ligne pour expliquer les dispositions de la loi aux chefs d'entreprise, leurs clients, en fait. Et qu'il s'agisse de la matière fiscale ou de la matière sociale, eh bien, les experts comptables sont auprès de leurs clients. Donc, dès en amont, avant que la loi soit promulguée, on leur explique les principales dispositions qui vont impacter les entreprises. Ainsi, dès que la loi est publiée, eh bien, ils peuvent mettre en œuvre ces dispositions. Sans tenir compte des grèves, des manifestations, des blocages, tout ça finira peut-être par un abandon du texte. À quoi aura servi votre intervention? A priori, il n'y aura pas d'abandon du texte si l'on suit ce que dit le gouvernement. Mais je ne suis pas là pour faire de la politique. politique ni de la polémique d'ailleurs. Ni de l'Artab pour le texte. C'est une loi extrêmement importante parce que c'est la refondation du Code du travail. C'est très très novateur. Il y a beaucoup de dispositions très intéressantes pour les entreprises mais aussi pour les salariés. Un projet de loi pourtant décrié par les syndicats, par les patrons. On a l'impression qu'à part le gouvernement et vous, alors personne n'en veut. Qu'est-ce que vous lui trouvez d'intéressant ? Ce qu'il y a de plus intéressant dans la loi, c'est la refondation du Code du travail. C'est un principe très novateur. Tout le monde se plaint que dans ce pays, le Code du travail est lourd et extrêmement complexe. Avec la refondation du Code, on aura des règles plus simples, puisqu'il y a une nouvelle architecture des règles qui sera mise en œuvre très rapidement pour la durée du travail, avec la fixation de règles d'ordre public auxquelles on ne peut pas déroger, et après ce qui relève de la négociation collective. Donc l'accord de branche ou l'accord d'entreprise pourront déroger à la loi. Vous dites que tout le monde se plaint du Code du travail, mais si on en croit les manifestations de la CGT, de Force ouvrière, de plusieurs syndicats, ce n'est pas forcément le cas. Certains voudraient protéger ce qui existe déjà. Mais en fait, les droits des salariés sont protégés parce qu'on ne touche absolument pas aux droits des salariés dans cette refonte du Code du travail. C'est une nouvelle architecture. Donc il y a de nouveaux droits pour les salariés. Certes, il y a de la souplesse aussi pour les entreprises. Mais je pense que dès qu'on touche à quelques dispositions, de toute façon, le fait de changer les textes fait qu'il y a des mécontents. Jusque-là, le Code du travail constituait le socle minimal de protection des travailleurs. L'accord d'entreprise ou l'accord de branche ne pouvait qu'en améliorer les dispositions. Ce que les opposants au texte dénoncent, justement, c'est que le Code du travail constituera une norme maximale, éventuellement amoindrie par l'accord collectif. Alors déjà, depuis quelques années, le Code du travail, de toute façon, il a toujours été un socle. Il pouvait être amélioré par les accords collectifs, mais il y avait déjà eu deux lois qui permettaient aux accords collectifs de branche ou d'entreprise, selon le cas, de déroger à la loi, y compris dans un sens moins favorable aux salariés. Donc la refonte du Code du travail, ça n'est pas particulièrement novateur. On ne peut pas vraiment parler d'inversion de la hiérarchie des normes. C'est pas novateur, mais c'est quand même le but, c'est d'amoindrir les protections des salariés, non ? L'objectif n'est pas d'amoindrir les droits des salariés. L'objectif est de permettre de négocier au plus près des salariés, c'est-à-dire dans le cadre de l'entreprise. Actuellement, ce sont les branches principalement qui négocient, mais bon, il faut savoir que dans ce projet de loi, il y a aussi toute une partie du texte qui a pour objectif de diminuer le nombre de branches professionnelles. Donc, il est important de négocier au plus près des salariés, donc dans l'entreprise. Et c'est là-dessus que le projet de loi change en effet pas mal de choses. Alors sur la négociation en entreprise, précisément aujourd'hui, les syndicats majoritaires peuvent s'opposer à un projet qu'on leur propose. Demain, les syndicats minoritaires pourront contourner ce droit d'opposition par un référendum d'entreprise. Les représentants du personnel élu au sein de leur propre boîte, ils ne servent plus à rien. Ah si, bien entendu, même les droits des représentants du personnel sont accrus puisque on leur accorde de nouveaux droits dans le texte. Ce qui change sur la négociation collective, c'est que précédemment, pour qu'un accord soit valable, il fallait qu'il soit signé par des syndicats représentant au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections. Donc ce n'était pas un accord majoritaire. Les syndicats pouvaient ensuite, les majoritaires pouvaient s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. Maintenant, c'est exactement l'inverse, il faut un accord majoritaire, donc signé par 50% des syndicats. Donc ça va être beaucoup plus compliqué de négocier en entreprise, puisque avoir la majorité, ça n'est pas si simple que ça. Et pour prévoir une autre porte de sortie pour les entreprises, on a créé le référendum. Et ce genre de référendum, c'est obligatoirement à la demande des salariés. Les patrons regrettent de ne pas pouvoir déclencher l'initiative. Vous aussi ? Alors, le référendum est à l'initiative non pas des salariés, mais des syndicats. Attention, les salariés ne peuvent pas demander de référendum. Donc ce sont les syndicats qui le demanderont et on consultera les salariés dans des conditions qui seront définies par décret. Alors, c'est vrai que l'employeur ne peut pas organiser de référendum. Pourtant, la loi Macron d'août 2015 a prévu la possibilité de mettre en place un référendum pour le travail le dimanche. Parce que dans les petites entreprises, pour qu'un commerce soit ouvert le dimanche, comme ils n'ont pas de syndicat dans la TPE, on leur a donné la possibilité de consulter directement les salariés. Ce qu'on peut regretter à l'ordre des experts comptables, ça fait partie des propositions que l'on demande régulièrement au gouvernement, c'est de donner la possibilité aux chefs d'entreprise des TPE de consulter directement les salariés sur un certain nombre de dispositions. l'opposition. Parce que la TPE, elle ne peut pas négocier. Bon, elle pourrait toujours faire mandater un salarié par un syndicat, mais en pratique, ça ne se fait que rarement dans la TPE. Et le changement qui reste en travers de la gorge des contestataires, c'est que les accords d'entreprise vont primer pour les heures supplémentaires. Oui, mais alors, il faut savoir quand même que c'était déjà le cas. Hein. On avait des possibilités, mais à des conditions assez restrictives, de déroger par accord d'entreprise aux dispositions de l'accord de branche. Mais le système était extrêmement complexe. L'avantage du projet de loi, c'est qu'il simplifie les règles. Avec l'accord de syndicat représentant plus de 50% du personnel, les employeurs pourront payer les heures supplémentaires 10% de plus que les heures normales, contre 25% généralement autorisés aujourd'hui par les branches. Alors, la loi, depuis toujours, fixe à 25% le taux de majoration des premières heures supplémentaires. Mais on pouvait déroger déjà par accord de branche ou d'entreprise avec un plancher de 10%. Donc finalement, c'était déjà la règle. L'accord de branche pouvait déroger. Il y a un certain nombre d'accords de branche, d'ailleurs, qui ont un taux de majoration de 10%. À certaines conditions en plus, l'accord d'entreprise pouvait déjà déroger à l'accord de branche. Donc, il y a une simplification des règles. Certes, l'accord d'entreprise va primer dans tous les cas de figure sur l'accord de branche, mais attention, il faut quand même un accord majoritaire, donc 50% des organisations syndicales. Un autre aspect très contesté, l'allègement des licenciements économiques. Le texte a très peu évolué entre sa version initiale et celle adoptée avec le 49.3. Les opposants, ils dénoncent une mesure qui va favoriser la précarité. Qu'est-ce que vous répondez ? Je pense que c'est peut-être un petit peu exagéré. En fait, le licenciement économique est toujours sous le contrôle du juge. Simplement, on précise la notion de difficultés économiques en citant un certain nombre d'indicateurs qui permettent d'évaluer s'il y a ou non des difficultés économiques. Donc, le contrôle du juge existe toujours, comme auparavant. Donc, je pense que ce sont des précisions qui sont bienvenues, qui sécurisent quand même les employeurs. Et je ne pense pas qu'il y aura une libéralisation du licenciement économique. On entend souvent parler de salariés Kleenex. Une PME de moins de 11 salariés pourra licencier pour motif économique dès que son chiffre d'affaires baissera pendant un seul trimestre. Oui, alors attention, hein, il faut une évolution significative de certains indicateurs économiques. Donc il faut quand même apprécier ce qu'est une évolution significative de ces indicateurs économiques. Hein. Ce n'est pas aussi simple que cela. À l'inverse, le patronat met un bémol libéral. Il juge trop long le délai qui définit le recul de l'activité pour les grandes entreprises, 4 trimestres consécutifs. Oui, écoutez, pour l'instant, la jurisprudence quand même était quand même assez exigeante là-dessus et exigeait un délai très long. Donc, je ne pense pas que cela change beaucoup de choses pour la grande entreprise. Un mot sur les conventions collectives nationales qui devraient être automatiquement appliquées outre-mer avec cette loi travail. Est-ce que ça garantit vraiment une meilleure protection des salariés ? Alors là, je pense qu'il y a vraiment un aspect très novateur. Donc, c'est une mesure qui a été introduite par amendement dans le projet de loi, qui est très intéressante pour les DOM-TOM, puisque pour les accords qui seront conclus à compter d'avril 2017, l'accord, s'il est national, s'appliquera automatiquement dans les DOM-TOM. Tandis que dans la situation actuelle, qui résulte d'une loi de 1994, c'était l'inverse. Quand l'accord de branche ne précisait pas qu'il s'appliquait dans les DOM-TOM, il ne s'appliquait pas dans les DOM. C'était la loi Perben. Oui. Donc, je pense que la mesure est beaucoup plus simple, d'autant que les partenaires sociaux sont invités par le projet de loi à négocier pour adapter les anciens accords aux nouvelles dispositions. Pour conclure, un mot sur le compte personnel d'activité. 24 heures de formation engrangées chaque année, dans la limite de 150 heures. Certains le jugent embryonnaire, ce compte personnel d'activité. Mais c'est embryonnaire, parce qu'il faut bien démarrer un jour, mais c'est intéressant parce que ça va centraliser tous les droits sociaux des salariés, qu'il s'agisse du compte personnel de formation, du compte d'activité, du compte pénibilité, excusez-moi, le nouveau compte engagement citoyen et demain le bulletin de paye dématérialisé, le bulletin de paye électronique qui sera aussi sur le compte personnel d'activité. Donc c'est vraiment intéressant. Alice Fage, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne journée. Merci. Merci. C'est la directrice des affaires sociales au Conseil supérieur des experts comptables, Alice Fage, qui répondait à Philippe Dornier sur la première. Dans deux minutes, le journal de France Info. Avant cela, l'essentiel de l'actualité à La Réunion. Florent Marot, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour à tous.

commence à se poser des questions, comme par exemple Oscar, le madrilène. L'Espagne était tranquille et sûre du résultat, et elle s'est fait surprendre parce qu'elle a trop laissé attaquer la Croatie. Le problème, c'est l'excès de confiance. On est sûr de gagner et l'adversaire vous surprend. Défaite qui n'entend pas pour autant l'optimisme d'autres comme Pedro, qui voit quand même son équipe remporter l'Euro. Tous les autres championnats, on a perdu toujours un match dans les premières tournes. Et bon, finalement, on a gagné. Bon, peut-être aujourd'hui, on doit laisser Iniesta, on doit laisser quelques joueurs reposer, oui. Mais bon, ça fait rien, ils sont professionnels et je crois que pour le lundi, ils seront en forme. Et lundi à Saint-Denis, l'Espagne retrouve l'Italie en huitième de finale. Elle se retrouve aussi dans le même demi-tableau que l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Bordeaux, Alain Gastal, France Info. Et le programme du jour à 18h, Islande-Autriche et Hongrie-Portugal. Ce soir à 21h, Italie-Irlande et Suède-Belgique, avec des enjeux particuliers pour deux des stars de l'Euro, Cristiano Ronaldo, mal parti avec le Portugal, et pour Zlatan Ibrahimovic avec la Suède. La victoire ou ce soir la fin de sa carrière internationale. Et puis les sorties cinéma en ce mercredi, à l'affiche aujourd'hui, Jérôme Kerviel. Son histoire a inspiré L'Outsider, qui sort aujourd'hui, signé Christophe Baratier, le réalisateur décoriste Jean-Baptiste Urbain. Comment t'as fait pour tout dans une merde pareille ? L'Outsider, c'est l'histoire d'un jeune homme ambitieux, malin et sympathique, qui, grisé par l'ivresse du haut d'une tour de la Défense, va faire gagner beaucoup d'argent à sa banque, avant de lui en faire perdre beaucoup plus encore. Entrer à la Société Générale, c'est rejoindre les meilleurs parmi les meilleurs. En deux heures, le film raconte quelques années de l'ascension à la chute de Jérôme Kerviel et s'arrête quand son nom va devenir l'affaire que l'on connaît. Si Christophe Baratier ne s'attarde pas sur les rouages du métier de trader, le réalisateur en fait percevoir l'adrénaline, la violence aussi, avec ses humiliations, ses blagues potaches, son dégoût de soi également parfois. Avec un récit prenant, au rythme haletant, le film décrit un système sans conscience et un engrenage. Peu à peu, Kerviel, interprété par le jeune Arthur Dupont, perd tout sens des valeurs financières, mais aussi humaines. Un film à thèse, enfin, adapté du livre du trader qui a collaboré au scénario. L'Outsider dépeint un Jérôme Kerviel agissant au vu et au su de tous ce que conteste depuis toujours la Société Générale. Comment s'expliquer que personne ne s'en soit aperçu ? Je ne m'explique pas. L'Outsider, à découvrir aujourd'hui en salle, l'histoire de Jérôme Kerviel. C'était le journal de Jean-Christophe Martin. L'info revient à 8h. Salut La Réunion, 7h40. Les prévisions météo tout de suite, une belle journée qui s'annonce. Alors, dès le lever du jour, c'est du beau temps hein, depuis ce matin. Seuls quelques nuages qui circulent dans l'est, principalement. On aura un bel ensoleillement. Et puis, avec ces quelques nuages, donc également pour cet après-midi, sur le littoral est, où de petites averses sont alors prévues. Grâce à un bon ensoleillement, la fraîcheur matinale va se faire oublier. Côté vent, il souffle toujours assez fort, jusqu'à 50 km/h. À Saint-Denis, également à Saint-Pierre. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool. L'information routière avec Yves Gruyé, qui nous attend. Donc il était au niveau du pont suspendu de la rivière de l'Est. Il sera avec nous dans une poignée de secondes. Je vous rappelle cette information donc concernant la prise en charge des lycéens qui passent le bac. Une prise en charge qui est organisée par la mairie. Le maire de Saint-Philippe était avec nous dans le journal de 7h. Des convois sont organisés depuis 7h ce matin et ce jusqu'à 8h30. Alors pour cela, si vous passez le bac, vous devez vous rendre sur le site du Cap Méchant. Voilà pour cette information routière. Yves Gruyé, tout de suite. Yves, vous êtes avec nous ? Oui, je m'arrête parce que là... Allez-y, garez la moto. Oui, dans les rampes, sur la route du Grand Brûlé. Là, en ce moment, avec attention, une route trempée pour ceux qui auraient décidé de faire le tour entre Saint-Philippe et Saint-Joseph. Pas très très évident. Donc une route bien bien mouillée sur toute la partie en se rapprochant de la Vierge au Parasol. Hein, mais... grosse partie bien trempée, il pleut d'ailleurs sur le volcan en ce moment. La circulation plutôt correcte, hein, donc notamment en provenance de l'est, puisque c'est resté roulant à l'entrée est de Saint-Denis. C'est chargé à partir du virage du gouffre. Avec attention, un véhicule qui va être enlevé, donc la voie de droite va être neutralisée. Ça se passe côté montagne. Si vous circulez sur la route du littoral, prudence pour enlever ce véhicule. Donc on est obligé de neutraliser la voie de droite pour le faire et pour réaliser cette manipulation. En ce qui concerne le trafic trafic côté ouest, toujours au niveau de l'échangeur de Plateau-Caillou. Les rampes de Basse-Vallée toujours fermées à la circulation. Je me rapproche, bien entendu, vous l'avez compris, de Saint-Philippe et du Cap Méchant dans un instant. Voir sur ce côté comment ça se passe avec ces habitants de Saint-Philippe bloqués. Peut-être même certains qui ont dû profiter de la fête de la musique hier et qui ont pu rentrer chez eux. Vous êtes obligés de faire tout le tour. Donc, compliqué quand même. Très bonne route avec la première. D'autres nouvelles rapidement. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Vous êtes perdu, car vos chefs sont aveugles. C'est Aïe ça ? C'est qui le chef là-bas ? Le chef. Ma fille, son mou. Qui réveille la réunion ? Aïe maman, il m'a dit, aïe maman, tu fais ça. Ah, monsieur. Jacques Hervel. Ah, bon. Grand matin, c'est ça. Sur Réunion Première. Ben oui. Ah bon ? Bah oui. Effectivement. Ah ben oui. D'assez simple, d'assez qui doit déboucher sur une. Allons battre carré notre pays. Allons l'entre-deux à cette heure. Tous les matins sur Réunion Première, nous invite Azote à découvrir un endroit de l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, on a choisi l'Argamas. Argamas, n'est place comme ça, il appelle comme ça, dans le beau village de l'Entre-deux, très beau village de l'Entre-deux même. Alors, Argamas, ça se trouve peu après la ravine Citron, et c'est aussi l'un des points de départ pour accéder au Dimithil. Pourquoi Argamas? Quelques-unes de vos réactions recueillies par Claude Montané, qui a participé à de Carré d'Aéron. Argamas, ça doit être un mot soit indien, mais bon, tous les mots ici sont modifiés, donc... Je sais pas quoi, ça doit être indien. C'est possible, mais maintenant, dans le langage créole, il y a eu différentes influences, différentes indiennes, malgaches, mais aussi différentes un apport au niveau du parler marin. Ici, on parle amar. Amarali, c'est le. Ben, amari, ça vient de la navigation. Donc ça peut venir aussi de là, comme ça peut venir d'autres choses, quoi. Mais non, je vois pas du tout ce que ça peut être. Je vois pas. Et je sais pas, pour moi ça sonne indien quoi à la fin. Malgache je pense pas, mais je pencherais plus pour le côté indien. Yama. Mais en même temps, vu qu'il y a eu différentes influences, je suis pas sûr à 100%. L'histoire de la commune de l'Entre-deux est étroitement liée à l'histoire du café. Et là nous sommes dans la période du 17e, 18e siècle. Et l'Argamas était cet endroit où l'on faisait sécher le café, un espace... soit à ciel ouvert ou fermé. Voilà pour la définition. Et puis bonjour à toute bande de monde l'Entre-deux. Et puisque l'on parle de l'Entre-deux, je vais saluer ce matin Alexandre Dijoux, producteur et spécialiste du café Bourbon Pointu, un garçon qui fait un travail remarquable. Voilà pour le clin d'œil ce matin dans les lieux-dits de La Réunion. Tati Bouge Pas nous parle de l'Euro de football 2016 dans une poignée de secondes. À tout de suite. Première. Le mag du soir. Discuter, commenter l'actualité de ces derniers jours avec les collègues de la presse écrite et de la presse en ligne. Le 49-3, les Panama Papers. Ce qui est en train de se passer, ça n'est pas étonnant. Et ceux qui aiment partager leur savoir-faire. C'est le respect de la nature et le respect de l'être humain. Lundi au vendredi, le Mac du soir, après le journal de 18h, sur Réunion Première. L'Allemagne qui bat l'Irlande du Nord 1-0 et termine en tête du groupe C. Et puis, groupe D. La Croatie, eh ben, la donne son galop l'Espagne 2-1, c'est aillé quand même. Hein. Voilà, avec la Croatie qui bat l'Espagne 2-1, qui prend la tête de son groupe. Voici un condensé de tout ce qu'il faut savoir de l'Euro de football 2016 à cet instant avec Alexis Morel. Espagne-Italie, ce sera donc le choc des huitièmes de finale de cet Euro. Des Espagnols pas très en forme hier soir, assommés même par la Croatie. Ce sera peut-être l'adversaire des Bleus au prochain tour, l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord qui a réussi à se qualifier hier soir malgré sa défaite face à l'Allemagne. Et puis ce soir, la fin de cette phase de poule et peut-être le dernier match de Zlatan Ibrahimovic avec la sélection suédoise. Sans attendre la fin des poules, ce soir, on connaît donc déjà ce matin deux affiches des huitièmes de finale, Suisse-Pologne, et puis ce choc Italie-Espagne, choc très attendu évidemment, même si l'Espagne a déçu hier soir. Le double tenant du titre, surpris par la Croatie, 2-1 sur la pelouse de Bordeaux. Mais pour le sélectionneur espagnol Vicente del Bosque, il n'y a personne à blâmer en particulier. Hemos perdido todos, somos culpables todos. On a perdu ensemble, on est tous coupables. Alors oui, on tombe encore sur l'Italie, mais on aura du temps pour analyser ce que va signifier ce match. Bien entendu, ça n'était pas le chemin que l'on espérait. On a eu l'impression de contrôler le jeu, on a perdu sur une erreur de notre part. On doit maintenant surmonter cette contrariété, car c'est une simple contrariété. L'idéal aurait été de terminer premier du groupe. Maintenant, à nous de récupérer physiquement et mentalement, et à nous de nous relever. La Croatie termine donc en tête de ce groupe devant la Roja deuxième. Toujours dans ce groupe D, la Turquie a éliminé la République tchèque 2-0. Les Turcs qui peuvent espérer un repêchage pour les huitièmes. Deux autres qualifiés cette fois dans le groupe C, l'Allemagne et l'Irlande du Nord qui se rencontraient hier soir. Victoire des Allemands 1-0, mais les Nord-Irlandais décrochent eux aussi leur billet par ricochet. Et ils pourraient bien être les adversaires des Bleus en huitièmes. Ce serait très excitant pour le défenseur nord-irlandais Johnny Evans. C'est une très bonne équipe. Nous avons regardé la plupart de leurs matchs. Il y a beaucoup d'excitation à l'idée de pouvoir rencontrer une équipe pareille. Il y a des joueurs incroyables comme Dimitri Payet. En plus, ils n'ont encaissé qu'un but. J'ai été très impressionné par leur façon de jouer. Johnny Evans, le défenseur nord-irlandais. Mais c'est donc ce soir qu'on connaîtra formellement l'adversaire de la France en huitième à la toute fin de cette phase de poule. Quatre derniers matchs au programme et d'abord dans le groupe E, l'Italie déjà qualifiée qui affrontera l'Irlande. Les Irlandais peuvent encore empocher leur ticket pour les huitièmes. Quant à la Belgique, pour l'instant deuxième de ce groupe, elle sera opposée à la Suède. Victoire impérative des Suédois s'ils veulent poursuivre l'aventure et on va le suivre de très près ce match car en cas de défaite suédoise, ce sera la dernière rencontre de Zlatan Ibrahimovic en sélection. Il l'a annoncé dès hier, il prendra ensuite sa retraite internationale. Depuis le début de ce tournoi, l'ancien attaquant du PSG n'a pas vraiment brillé, pas vraiment impressionné. Alors, trop de pression, voici ce qu'il répond. Je me mets moi-même de la pression. Je veux toujours gagner, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Bien sûr, j'ai une grande responsabilité avec la Suède, mais j'aime ce rôle. J'aime être dans ce genre de situation. Suède, Belgique, Italie, Irlande, dernier match du groupe E. C'est donc à partir de 21h ce soir, un peu avant à 18h dans le groupe F. Islande, Autriche et Hongrie, Portugal. Les Portugais au pied du mur. Ils peuvent finir premier du groupe en cas de victoire, mais ils risquent aussi tout aussi bien l'élimination. Le tout sera bien sûr à vivre en direct sur France Info, radio officielle de 7h. Réunion première. Et ce soir, vivez le match Belgique-Suède sur Réunion première en direct à 23h. Les Mac, c'est un quartier dans les Hauts-Saint-Louis, mais les Mac, c'est aussi l'ordinateur. On va parler nouvelles technologies. À présent, les Mac auront bientôt un nouveau système de fichiers. Un système qui n'est pas magique, pour citer Premier Gaou, mais un système qui protège, entre autres, vos données en cas d'extinction brutale de votre ordinateur. Ça s'appelle l'APFS. Pascal Rizeau. Connect première. Bonjour, c'est une petite révolution dans le monde des fichiers pour ordinateur Mac. Le bon vieux système HFS Plus, créé dans les années 80 tout de même, va céder la place à l'APFS, c'est-à-dire l'Apple File System. La version finale sera disponible à partir de 2017 et sera particulièrement adaptée au stockage, non plus sur disque dur à plateau physique, mais sur SSD et autres cartes flash. Forcément, cela entraînera tout un tas d'améliorations dans la gestion des fichiers par votre ordinateur, mais aussi à terme smartphone, tablette et montre Apple. Alors, indexation des fichiers en 64 bits, meilleure performance, meilleure réactivité. Ce système permettra surtout un chiffrement des données à clé unique ou à clé multiple, ce qui, je cite la documentation Apple, assure l'intégrité des données, même si leur sécurité physique est compromise. Le chiffrement se fera directement depuis l'operating system et il sera possible de le désactiver. La sauvegarde sera optimisée avec la possibilité de cloner instantanément ces fichiers. Ce nouveau système APFS pourra également vous protéger en cas de crash de la machine. Il n'y aura pas de perte de données en cas d'extinction brutale de votre ordinateur type coupure de courant. C'est plutôt une bonne nouvelle. On se doutait bien que ça avait de l'importance, mais on n'avait pas de chiffres pour le prouver. Eh bien, les voici ces chiffres et ils sont sans équivoque. Oui, les avis que les internautes laissent sur des sites internet nous influencent fortement. Réserver un hôtel, un resto, acheter un produit, quel qu'il soit, une imprimante ou même du savon, fer à souder, choisir un coiffeur. 87%, c'est le chiffre du jour, 87% des internautes font attention aux notes et aux avis avant d'acheter ou de choisir. Et 89% de ces 87% trouvent ces avis utiles. Et même pour choisir son restaurant, par exemple, on se base désormais davantage sur les avis internet, 68%, que sur les guides spécialisés, 63%. D'une manière générale, la e-réputation est bel et bien devenue le bouche-à-oreille 2.0, avec, cela dit, une réserve, bien sûr, les faux avis. Les avis positifs des amis du patron d'un resto ou au contraire, les avis ultra-négatifs des amis d'un concurrent. Mais finalement, ça ne change rien au bouche-à-oreille d'antan qui lui aussi véhiculait tout un tas de rumeurs. Belle journée. Jackie, réveille la Réunion. Merci d'être avec nous ce matin sur Réunion Première. Jackie Pomenazot jusqu'à 8h. Donc, dans 7 minutes, le journal de la rédaction sera présenté par Cécile Thomas. Donc, je vous rappelle cette information très importante. Depuis, attends un petit peu le micro, apparemment je m'en souviens d'être manioc. Donc une prise en charge pour les lycéens qui passent le bac est organisée par la mairie de Saint-Philippe. Donc suite à ces deux éboulis dans les rampes de Basse-Vallée, des convois sont organisés si vous passez le bac. Donc depuis 7h ce matin et ce jusqu'à 8h30, vous devez vous rendre sur le site du Cap Méchant. Et bon courage à toutes celles et ceux qui passent le bac ce matin. Déjà, il n'est pas facile. Ça passe un examen. En plus, la route l'est coupée. Donc, stresse pas. La mettre les affaires en place, pouzote. L'épreuve, il commence à 10h aujourd'hui. Bon courage. Donc, jusqu'à 8h30 pour aller sur le site du Cap Méchant où des convois sont organisés. Je vous le disais, j'ai goûté un Prisca, dis-moi, dis pas, il a ni midi moins. Ah, t'es Prisca, mais si, là, on mène la galette de manioc, on en parlait ce matin, et c'est vraiment, vraiment, vraiment délicieux. Voilà, c'est qui t'a fait ça encore? C'était Nizar, hein, il me semble, sur le marché forain du Chaudron. Et en parlant de marché, vous savez que chaque jour, grâce à ces forains, eh bien, vous repartez avec un panier garni. Donc, il va falloir aller à la rencontre de Prisca entre 10h et 10h30, si ça t'y trouve à elle, la première personne. Et le mot de passe pour aujourd'hui, c'est songe pâté avec Réunion Première. Bien, bah bonne chance hein, pour trouver Prisca, parce que le marché forain, il est grand. Et puis, bon courage également pour toute bonne forain. Peut-être qu'ils écoutent à nous également ce matin. Ils étaient reçus par Claude Montané dans une émission Allo Première, récemment, hein. Ah bah oui, c'est bon de marmot, ils appellent les Dizzy Brains, un groupe malgache, ils jouent le rock, franchement les dangereux, et c'est sur Réunion Première. Belle matinée à toutes et à tous. Ah les gars, et bon aussi, allez. Écoute ça, écoute. Red.